Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'épisode 170 de chez Papa Cassette. On change de dizaine, man. On change d'année et de dizaine en même temps. C'est parfait, ça. Parfait pour un premier album de l'année, mais c'est extraordinaire. Finger Cut qui subscribe Tier 1. Oh yeah! On va aller tout de suite dire salut au monde dans le chat. On a deux mics. Ah, on n'était pas connectés encore, fait qu'on le voit pas présentement à l'écran. Fait que moi, ils ont enlevé, mais les mics sont là. C'est-tu correct, là? Les gens sont tous là? Connected. You're disconnected from the server. Connected. Ah, on dirait qu'ils déconnectent à chaque fois. Oh. Mais là, les gens, ils nous voient. Ils nous voient, ils nous entendent. D'ailleurs, tout le monde, on est sur notre nouveau setup, nouvel ordi. Fait que s'il y a des problèmes techniques ce soir, faites-nous savoir dans le chat. Là. Exact. Il y avait des petits tweaks d'avant-show à faire. On a refait le câblage un peu ici. Ah, on a passé le flage, on s'est enfargé dans nos saloons de douche. Exact. On a une nouvelle caméra aussi, un nouveau trépied. Ouais. On a ajusté la caméra ici pour la section collection. On aura de la collection tantôt, d'ailleurs. Donc, voilà. Eux autres, ils voient le chat, mais je dis nous autres, je sais pas si on le voit, le chat. Ah, il y a l'air d'avoir un fuck avec le chat à l'écran. Fait qu'on vous mettra pas à l'écran pour l'instant. Ouais. Je checkerai tantôt. Bon. Alors, SSSS Frank est dans la place. Michael Rouge qui est là, qui est venu pour les pierres à feu. En plus, c'était un bon segment. C'était Fred qui pogne les nerfs contre M. Miroc avec des bons calls, qui dit que t'es tellement gratteux que tu demandes à ta femme de regarder... non, que tu regardes par-dessus tes lunettes pour pas les user. Et puis, t'envoies ta femme souffler des pneus quand elle a le hockey. Alors, c'est extraordinaire. Mike Leclerc est dans la place. Finger Cut, on l'a dit tantôt. Steph Talbot, j'ai vu qu'il y avait une question à soir. Bonsoir. Glevas. Qui dit allô. Et voilà. Oh. Tout le monde donne des subs, puis des tiers, puis toute cette monnaie virtuelle. L'épisode où est-ce que le chat marche pas à l'écran, là, parce que je pense que le plugin ne marche plus, là, faut falloir que je le recheck. Là. Ah, c'est ça. Hein? Puis, mais j'ai pas pensé de regarder ça, puis c'est le petit bout qui marche pas. Fait qu'on vous lit, oui. On vous aime. Ah, ben, certainement. Grâce à vous, on a maintenant une belle bête noire. Oui, on a quand même investi. Oh, il se passe que ça. Il y a High Train! Grâce à Glevas, ça se dit, c'est incroyable. Incroyable. Merci, guys. Et puis, c'est ça. Donc, grâce à vous aussi, on a acheté cet ordinateur-là d'une valeur de 1500$. 1500 sans la carte graphique qu'on avait déjà achetée, qui était, je sais pas, une vieille affaire. L'ancienne de Rétro Nouveau, quoi. Ouais. Ben oui, c'est celle de Rétro Nouveau qu'on a repris, là. Ouais, ouais. Qui était payée par les Patreons, nous aussi. Donc. Tout ça a été payé par les Patreons. Fait que oui, on a un genre d'ordi à 1500$ en ce moment, là, qui est très, très. Qui fonctionne. Je regarde mon CPU, il est à 16%, je suis content. Ah oui, absolument, là, ça. Le Hype Train, hey, est-ce qu'on a réussi à avoir le Hype Train? C'est ça un upgrade, ça? Train de la hype. Ah, level 1 complete. Vas-y. Wow. Oh, puis Larry qui arrive juste à temps. C'est plus. La première fois qu'on complète un Hype Train. Ben, je suis très excité. Larry qui a contribué généreusement au Patreon. Alors, merci beaucoup, Larry, de nous offrir 200$ par mois. C'est très apprécié. Il y a Michael Belmont qui dit « What a horrible night to watch a podcast. » Michael Belmont, c'est-tu nouveau? Ah ben non, parce que ça l'écrirait si c'était la première. Non, on l'avait déjà vu, il me semble. On avait demandé si c'était un descendant des Belmont. Ah oui, c'est ça. On est comme énervé. Mais oui, ça, donc, nouveau setup. J'ai tout refait de un peu from scratch. Fait que s'il y a des petites affaires qui dépassent, vous nous le direz puis on vous arrangera ça. Live, mais ça a l'air de bien aller pour l'instant. Il y a déjà le podcast de Martine qui a enregistré cette semaine en audio. Là, donc, Oui, lundi, le podcast « Ça nous allume », on a enregistré. Alors voilà. Pendant que tu ouvres ta bière, JF, je vais aller, on l'a pas fait, ça prend les numéros du Canadien. Effectivement. Pour l'épisode 170. Donc, on peut pas prendre le 17 parce qu'il y a le 0, ça se peut pas. Fait, ouais, c'est ça. Ça va être le 1 et le 70. On va prendre un gardien, encore une fois. Ouais. On va y aller avec Len Broderick, 1958 seulement. Un grand gardien. Et dans les numéros 70, mesdames et messieurs, on a l'excellent. Ah, il y a trois joueurs. Colin, aucun que. Pourtant. Et pourtant. On y va avec un joueur de 2024. Sauras-tu t'en souvenir? Tanner Pearson. Oui, je me rappelle de lui. Ah, ben, de plus de noms que de. Je sais pas pourquoi il y a de l'air. Demi, là, mais... Il me rappelle pas partout de Tanner. Il y en a Pearson. qui passent, là. Ah, il a passé, tu dis. L'autre plus fois, vite qu'un hype train. L'autre fois, j'ai vu, genre, il y avait le line-up de genre des playoffs de 2021. T'es comme, qui tout ce monde-là? Ah, puis si tu recules un peu, là, tu sais, comme sa première ligne, genre D'Agostini, puis Chip Chura. Puis... Est-ce qu'on a eu des années de vache maigre? C'est dégueulasse. Mais là, au moins, on a du bon hockey. Oui. Des beaux numéros aussi. Là. D'ailleurs, s'il y en a qui l'écoutent, le hockey, en parallèle de nous écouter, nous, dans le chat, dites-nous le score. Quoique, ça va peut-être popper sur mon téléphone. C'était 2-2 en fin de première, puis on joue contre les surprenants Sabres qui sont en feu. Alors, puis on va jouer trois fois contre eux prochainement. J'ai entendu ça à radio. Alors, trois games importants. Il y a Michael dans le chat qui dit « Grosse tune de démo scene au Commodore 64 ». Fait que Michael call les musiques direct live en un show. C'est excellent, ça. La musique qu'il a montée lui-même, en plus. Hein? La bonne musique de Commodore. On s'en va tranquillement vers le Commodore, je pense. Puis c'est on glisse tranquillement vers le vieux. Là. Ah, mais là, il nous a mis un lien. Ben, les gens pourront cliquer dessus, j'imagine, pour un lien vers cette toune-là. Alors, en introduction, on n'a pas grand-chose, en fait. Non, bonne fête, Dom. On est revenu, t'es vieilli d'une année de plus. Oui, c'est vrai. Tant qu'à te dire bonne année, il m'a dit bonne fête avant. Là. Ah ouais, bonne année. Ouais, mais là, on est un peu limite. Ouais, là. Mais c'est ça. Ouais, oui, très à la limite, je veux dire ça, là, mais c'est la première fois qu'on est live depuis. Exact, exact. Alors, bonne année. Puis, on va avoir pour une autre année de beaux podcasts, là. J'ai eu 46 ans, là. Mon Dieu. La fin arrive à grands pas, comme on dit. Ça achève, comme je disais à Bruno à chaque année. Là, je ne lâche pas, ça achève. Ah boy, un clou de plus de trouver pour mettre dans le cercueil quand ça sera le temps de se tuer. Là. Ben, le prochain va être moi ça, qui va vieillir bientôt. Ça en vient. C'est quand ta fête? Mois de mars, mi-mars. À la mi-mars. Hein, à la mi-mars. Bon, parfait ça. Fait que, ouais, mais non, ça m'a, ça va, là. La quarantaine, je trouvais ça dur un peu quand même. Pas au début, tu sais, j'ai comme, 40 ans, je m'en fous. Puis là, la COVID est arrivée. Fait que T'as-tu pogné genre un genre de mur à 43, mettons, là? Ouais, 43-4. Tout ce que tu lis, c'est genre, le déclin commence vers 43, puis je vais avoir 43, fait que j'ai très hâte, là. Ah ouais, moi, c'est le dos m'a pété, là, genre l'année passée, de façon permanente. Pis, mais c'est pas juste ça, c'est des réflexions, tu sais, genre, là, tu te dis, Chris, ben, je dis ça dans le show, là, mais que tu penses au futur, là, ça va vite, là, tu sais. Ouais, à moitié de fête au moins. Ben, oui, là, puis c'est quoi, là, tes investissements, ta job, les affaires, les moves qu'on fait, tu sais, on n'a plus... il n'y a pas l'infini. Ouais, cette réflexion-là, moi, a déjà commencé depuis quelques temps, déjà. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, voilà, fait qu'on un mur invisible, comme Frank dit. Ah, Michael, il va avoir 40 dans un mois. Hein? Il va falloir fêter ça, Mikey. Une petite jeunesse. C'est ça, une petite jeunesse. Fait que, donc, en intro, juste pour parler de ça, Conquerax qui a visité RetroMTL, le YouTuber français qui est venu ici comme le dimanche du WEG, là, finalement. Et puis, on a un Hype Train Success. Ah oui, on a passé le level 2. Wow, level 2. Such strong support. C'est malade. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde. On vous aime. C'est un all-time record shatter. Des gros mots. Éclaté comme un os. Fait que c'est ça, Conquerax est venu ici. Et puis, donc... Il y avait une vidéo là, qui est sortie. J'avais tout raconté ça, tu sais, tout ce qu'il a fait. Il a passé la journée avec Martin. Ben, il a signé des autographes toute l'après-midi avec le jeu C'est sérieux, Guiz, Laurent. Et puis, Martin était venu pour supporter tout ça. Puis, il y a tellement eu de monde qu'il n'a pas eu le temps de rien faire en après-midi. Fait qu'à 5 heures, quand il n'y avait plus personne, là, ils ont fait le tour puis ils ont filmé. Bref, tout ça a donné une vidéo de une bonne quarantaine de minutes, là. Et puis, ça fait le tour de fond en comble de RetroMTL au grand complet. Ah, c'est un très beau topo. Là. J'ai écouté à peu près le 3/4 là, pour l'instant. C'est vraiment bon. Ouais, ça fait tout le tour. Ça monte tout. Guiz participe aussi. Fait que il a été super, tellement gentil, toujours de A à Z. Il a très sympathique. Dans les le communications gars, là, avant qu'il vienne, quand il était ici. C'est ça que tu il a parlé veux, toute là. La journée. Il perdait la voix. Il était encore tout sourire. Tu sais, puis merci, puis tout. Puis après, tu sais, un mois plus tard, un mois et demi plus tard, « Hey, la vidéo est prête, merci encore! » Puis il dit, « Hey, c'est nous qui te remercions. » Fait que tout ça était dans la bonne humeur et les grands remerciements. Fait que, tu sais, puis lui, il n'en revenait pas de l'accueil qu'il a eu ici. Là. Ah, puis il n'en revenait pas du magasin aussi. Son topo commence, quand, là, c'est le plus gros magasin que j'ai vu de ma vie. Exact, exact. Puis c'est vrai, ben, j'ai lu pratiquement tous les commentaires sous la vidéo aussi, sur YouTube. Et puis en France... les places sont petites, là, chères, là, les locaux. Ouais, le pied carré coûte cher en France. Exactement. Alors, si ça vous intéresse, c'est là, c'est sur la chaîne de Conquerax, C-O-N-K-E-R-A-X. et puis donner un thumbs up à ça et partager. Puis, ça voilà. Paraît au début quand il revient pas du module de Giz de Nintendo là, qu'il vous a amené en avant. Là, Oui, parce que lui, il trippe GameCube, en fait. C'est sa console préférée. Là, il a comme une fixation là-dessus. Fait que là, quand il a vu ça, il était bien impressionné. On a de la misère un peu avec, là, à glitch, puis tout, puis le monde arrache les manettes. C'est pas fait pour être... Pourtant, oui, c'est fait pour être dans les magasins, ça, à la base. Mais... Supposé, là, c'est... Je sais pas. On travaille fort là-dessus. Bon. Finger Cut, qui a eu 47 ans, qui a pogné un coup de vue en allant chez l'optométriste aujourd'hui. Oui, il a acheté le sac GameCube. En effet. C'est des sacs, ça, qu'on a eu... De Denis Talbot, en fait. Je sais pas si vous avez vu, j'avais publié une photo que Denis était venu faire un tour. Ben, il est venu nous vendre des sacs. Comme lui, il a une accumulation d'aller dans des E-tree. Ok, il s'est pas pogné une job de revendeur de sacs Nintendo. non. De toute son expérience à couvrir les jeux vidéo, puis aller stock, à des gréments, puis des goodies, puis d'avoir là. Ouais. Exact. Fait que tous les sacs, ils avaient tous gardés. Fait que là, il nous a emmené une vingtaine de sacs de même. Il dit, voulez-vous acheter ça? C'est comme, ben, viens, on va évaluer ça. Tu sais, c'est très dur à évaluer. Là. Il y en a pas nulle part sur Price Chart, peu ou pas, ou sur eBay, ou ça. Fait qu'on l'a emmené à l'Otakuton. Puis là, il en reste deux, trois, là, encore. Okay. Là. Fait que ça a été... Puis il y en avait un en forme de GameCube, carrément. Il était vraiment nice, tu sais. Puis on n'avait aucune idée comment l'afficher, mais on a vu sur Reddit que c'était un sac, là, vraiment top collectionneur. Okay, fait qu'on s'est essayé à 400. Il a dormi un bout de temps. 400, c'est quand même... Tu sais, ben on essaie, là. S'il vend pas, on va baisser le prix. C'est ça, là. Puis quand Cockerax l'a vu, il est comme, ouais, je le veux, là, tu sais. Fait qu'on l'a fait à 200, puis il était bien content. Fait que, j'ai fait une belle pub en échange. ouais, tout ça, c'était donnant. Très apprécié. Très cool, c'est pour vrai, là. Fait que vous irez voir ça, chers amis. Et puis, sinon, ben, c'est tout pour l'intro. Sinon, t'avais-tu d'autres choses, toi? Non, je pense pas. Là, Bon, ben, en tout cas, t'as quelque chose en collection. C'est toi aujourd'hui. C'est moi aujourd'hui, puis on n'ira même pas Ben, peut-être qu'on va y aller tantôt pour présenter, mais on va commencer par la grosse. Oh, tu veux aller direct? On peut aller direct. Okay. C'est bien correct. Ben, ouais, on peut essayer. Fait qu'on s'en va en collection. Jim dans le. Hop. Oh, je laisse aller. Tu peux parler pareil. Non. Respect de la musique. Respect de la musique à Michael. On tourne tous des tracks dark. Là. C'est vrai, hein? Ça donne toujours la main. Jim dans le chat qui dit merci d'avoir donné la piqûre de l'Atari. Il vient de s'acheter une 2600 en plus. Bon. T'as pas fini cette année. Un nouveau membre dans notre culte. Ouais, t'as pas fini cette année avec nous autres. C'est ça, tu vas voir. Fait que j'ai reçu Dom cette semaine. Ici, on va le mettre comme ça. La analogue 3D. Oui, monsieur. Que j'avais commandé, j'ai dit ça le dernier show, dans un coup de tête encore. Là. Probablement des Astra en boisson. En là. Boisson, parce qu'on sait que t'es toujours... Quand t'es pas au casino, en boisson, t'es chez vous en boisson. C'est ça. Quand je m'arrête d'essayer de gagner de l'argent en boisson, je la dépense en boisson. Exactement. C'est... Mais non, pour moi, la Sony 4, c'est une console de grande console dans ma vie. Là, que beaucoup de beaux souvenirs avec mon frère de ça. Là, c'est une belle époque. On la louait. Mes parents nous passent 300$ à aller louer ça à l'époque. Oui. Puis jusqu'à quand on l'aille, puis on a joué... donner un dépôt d'un coup que t'as volé. Exact, tu sais. Ouais. C'est ça, jusqu'à temps qu'on l'aille jusqu'à chez nous puis que je garde ma collection. Je l'ai encore chez nous, j'ai ma verte, là. Comment qu'ils les appellent? Jungle Green. Ouais, la Jungle Green, qui marche moyen. Ça a l'air de marcher mieux. Fait qu'on va l'ouvrir, cette belle boîte. Oh, je peux m'occuper de la manipulation vas-y. Pendant que tu jases. J'ai joué avec déjà un peu, là. Fait que... C'est ça. Fait que donc, voici, on va enlever. Oh, tu peux enlever. Donc, dire en partant que ça le look. N64, là, c'est... Oui, de dessus, c'est ça. Hey, attends, parle, je vais aller en chercher une vraie. Ouais, vas-y. Donc, donc c'est une console qui se connecte ici avec les contrôleurs d'origine où vous pouvez voir aussi des petites lumières en dessous. Donc, ça peut connecter avec des contrôleurs Bluetooth que je vais vous parler après ça. Donc, si vous avez des contrôleurs 8-bit d'eau, disons, qui vont très bien pour ça, vous pouvez les collecter. Mais si vous avez vos manettes d'origine, vous pouvez aussi utiliser vos manettes d'origine. Et bon, ici, le petit flap pour évidemment mettre les cassettes. Il n'y a pas de slot à expansion pack. On est rendu assez loin dans l'histoire de l'évolution pour pas avoir besoin de mettre un expansion pack. Là. Ah, déception. J'aurais pas amené la mienne, dans le fond. On n'en a plus. Oh, Lynn. C'est pas grave, mais elle est un petit peu plus petite, mais elle a pratiquement la même shape. J'ai présenté les manettes en avant qui fonctionnent avec les manettes originales et les manettes Bluetooth 8-bit DOS. Ben oui. Comme tu disais, l'expansion pack est intégré maintenant, fait qu'on arrête de gosser avec ça. Puis dedans, le OS de l'analogue, t'as plein d'options pour aller activer le rumble de la manette, des affaires-là. Exact. ça a la même shape, les boutons à la même place, le petit. Ah, c'est comme un petit reset, là, Zwing. Ouais, ouais, ouais, Mike, Michael. Plaisant, c'est juste de la RAM supplémentaire, l'Expansion Pack. Le fait ouais, que, oui, on est rendu assez loin dans la RAM pour jouer du Sonic 4 complet. Là. Exact. Il y a un petit anti-dérapant en dessous. Là, oui, petit... oui, c'est ça. Pour pas. Ça a glace, tu sais, pas que ça tombe. Ça a glace. Puis ça, c'est les ports en arrière. Ouais, fait qu'il y a deux ports USB. Il y a un port qui USB-C là, qui sert au power. Tu as une carte SD ici. Oui. Et j'espère qu'éventuellement vont être hackés. Je sais pas en fait quand tu mets ton jeu parce qu'il détecte c'est quoi le jeu. Puis je sais pas si après ça t'as besoin de remettre ta cartouche ou c'est juste qu'il donne les informations. Mais moi, tous mes jeux sont dans un menu maintenant là, dans l'analogue 3D. Je comprends pas. Mettons là que j'ai mis Wayne Gretzky 3D Hockey. Là il détecte puis il dit Wayne Gretzky 3D Hockey. Puis genre il affiche des infos, genre c'est tel joueur. C'est... Ouais. Puis là après ça, si je l'enlève, elle reste dans le menu. Là. Ah ouais, t'as pas besoin de laisser la cassette. J'ai pas essayé de. S'il va-tu me dire, faut que tu mettes la cartouche pour jouer ou il l'a downloadé, j'ai pas vu là. T'as pas essayé de jouer en retirant la cartouche. Non, c'est ça que je te dis. Okay. Fait qu'il les affiche, mais je sais pas s'il se joue. Fait que je peux pas vous dire des informations. C'est pour ça que je me demande si la carte SD à un moment donné va pas être utilisée pour jouer des ROM. Là. Ben, sûrement que le monde va jailbreak cette affaire. Bah ben, ouais, c'est ça, c'est tout le temps le cas. Là. J'aime beaucoup le trou oui. Ici. Là, c'est le même fil là, vraiment. Puis je suis pas mal certain. Il n'y a pas de pin là-dedans, donc ça peut jouer les jeux japonais et PAL aussi. Probablement, ouais, ouais. Alors, c'est merveilleux. Vraiment. Il y a Michael Belmont qui dit que le mode Overclock augmente le frame rate, ce qui est vraiment intéressant. J'ai pas gossé tant que ça. Pour vrai, il y a 1000 settings que tu peux jouer. Les modes d'affichage aussi là, sont un peu comme la Pocket. Là, tu peux mettre en pixel crisp, le mettre en CRT et ces affaires-là. Là. Oui, oui, oui. Fait que c'est très, très bien. C'est une très belle console qui coûte très cher. Quand même. Mes revenus avec tax shipping et tout ça à 450 canadiens, plus un 60 de dédouanement de UPS à la dernière minute là, que j'ai reçu. Là. Ça revient à 500$. Mais c'est ça. C'est un produit. C'est ça les consoles analogues. Mais c'est un produit de luxe et tu payes pour ce que tu as. C'est, exact. Puis c'est ça. Alors j'ai inséré mes cartouches qui ne marchaient pas au début et j'ai pris un petit coton et j'ai frotté avec. Et là, ils se sont mis à marcher. Là, fait que c'était bien correct. Là. Mais c'était écrit dessus. Quand tu l'ouvres, tu as un papier en dedans. Tu as un. Tiens. Ça, là, ouais. Il y a un petit wipe, c'est pour nettoyer tes cassettes avant de les mettre. C'est des disc cleaners, là. Voici le petit cartridge cleaner qui vient avec. Ils sont-tu smart de nous donner ça? C'est gentil. Ils savent que le monde, ils vont mettre des vieilles cochonneries là-dedans. C'est tellement comme un emballage à Apple, tout ça, là. Ouais, c'est Apple Slick. C'est prestigieux, là, tu sais. Fait que voilà, ça vient avec le petit bloc d'alimentation, ce qui est assez rare de nos jours, là, mais... Le fil USB-C pour le plugger et il était quand même assez gros là. Oui, puis il est sûrement écrit analogue dessus. Ouais, il y a de l'info là sur l'intérieur ici, mais vous le verrez pas. Anyway, c'est pas important là. Fait que petit bloc en effet. Michael qui drop des infos de ROM de Sonic 4 là. On va explorer tout ça très bientôt là. Il connaît pas le format des ROM Sonic 4, mais il y a sûrement un header avec un ID unique du jeu. Et vous savez tous ce que cela veut dire. Ouais, moi je sais, là. Mais attends, ouais, moi je ne sais pas. Attends un peu, je ne vais pas briser rien. J'avais hâte de la présenter parce que je veux la ranger dans mon meuble et l'utiliser après ça. Ouais, c'est ça. Là, je ne sais pas comment remettre le petit papier. C'est pas grave. Je ne veux pas le briser. Un game title et un game code. Fait que Michael confirme ses assumptions, ses hypothèses déjà. Ah bon. Et voilà. Moi, j'avais encore mes manettes d'origine aussi. Ouais, c'est ça. Donc, Jim voulait savoir dans le chat si t'as mieux la 8-bit d'eau. T'en as-tu... J'en ai commandé deux, en fait, parce que je jouais avec mon frère. Fait que j'en ai commandé deux. Donc, voici, c'est des manettes comme ça de 8-bit d'eau qui sont des Sonic 4 Bluetooth Controller. Fait que là, ils ont enlevé le petit design weird d'avoir un M, genre, comme manette. Pis exact. Et ils ont fait ça plus avec un... Tu peux on va l'ouvrir. Ouais, c'est ce que je cherchais comment. Oh là là. Un autre produit Deluxe. L'autre est déjà ouvert chez nous, là. C'est ça, là. Bon, je dirais que j'ai déjà joué un petit peu à Wave Race. Là, c'est... Pour voir l'eau, hein? Pour voir l'eau, je vais dire « My God, l'eau! » Tiens. Ah, ça là, c'est assez pesant. Ouais, c'est très bien. Ça ressemble un peu à une Pro Controller de Switch. De Switch, tellement. Là, ça ressemble tellement à ça, là, le feeling. Fait que dans le fond, c'est le feel est bon parce que là, le joystick se tient comme un joystick moderne. T'sais. Ah oui. Le feeling est excellent. Là. Puis le bouton Z, qui d'habitude qui est en dessous du joystick là, sur la manette originale, devient le R2, L2. Là, ben oui. C'est ça qu'on veut. C'est ça que tu veux. Là. Puis ouais. Tout ça est Bluetooth. Les boutons C sont là. Tout est là. Ah ouais, tout est là, man. C'est comme ça que la manette de Sonic 4 aurait dû être à l'origine. T'sais. Exact. Ah non, j'aime qu'elle ait une petite lourdeur. Là, quand j'ai ça, je suis OK, ben, je peux revisiter mes jeux là, de Sonic 4 genre for sure là, avec ça, là, c'est parfait là. Ouais. Ça me donne quasiment le goût de m'empoigner une pour jouer à... Assassin's Frank, il dit que c'est de la bombe. Moi, ça marche avec d'autres choses aussi. Là, les... Ben, c'est écrit ça à boîte, en fait. Parce que moi, j'ai rien pour mon Analog c'est Pocket. C'est écrit Switch, Windows, Analog, 3D, Android. 9 et plus, ouais. Ah oui, hein? Même pas toutes, par contre. Analog 3D, Switch, puis PC. Fait que je pourrais pas jouer sur ma Pocket avec ça, à ce que je comprends. Peut-être. Peut-être. Je pourrais l'essayer, je pourrais te le dire. Ouais. Parce que j'ai des manettes de PS4 pour ma Pocket. Faut dire que je joue jamais. De... Steph Talbot qui dit 8-Bit Do font tellement des bons produits. C'est effectivement très vrai. Tout le temps de la qualité, eux autres. Là. Exact. La manette que moi j'ai, qui est la Super NES là, pour sans fil Bluetooth ouais. Pour la Pocket, elle va très bien aussi. Là, c'est... Oh, absolument. C'est juste que, tu sais, avec le temps, je trouve qu'on s'accumule un paquet de petites manettes Bluetooth. Puis là, man, t'arrives et t'essayes de syncer ces affaires-là. Puis là, tu te perds dans le néant. T'sais, Oh, man. Ouais, oui. Même je retourne filaire pour la facilité des fois. Tu sais, quand on va au WEG, puis là, il y a juste du Bluetooth à grandeur. Ça se connecte, mais tu sais pas sur quoi c'est connecté. On s'est pas capable de rien connecter, esti, on vire fou, là. Ah, ça, c'est de la merde. C'est ChatGPT qui a fait le design de cette manette-là. Ah ouais, c'est-tu vrai? Ouais. OK. C'est-tu des jokes, ça, là, d'Internet qu'on comprend pas? Des internets. Hein? Donc voilà, cette manette vous coûtera un beau 59,99 tomates sur Amazon. Puis toi, t'en as acheté deux parce que t'es riche en tabarnak. Ouais, ben je l'ai acheté sur deux pays parce que je suis pas si riche que ça non plus. Puis je vais faire attention à mes trucs. Mais non, j'en voulais une pour jouer avec mon frère ou toi. Là, si on se fait une petite soirée gaming, on aura des manettes Bluetooth pour aller avec nos manettes Bluetooth dans la télévision Sprint. Là. Ben oui, certainement. Deux excellents produits. Ben ouais. Ah ouais, le next-gen puis les maudits updates, comme Michael a dit. C'est interminable, les updates, le syncing, le rechargeage. Ah, c'est les problèmes modernes. Je vais parler d'un jeu NES tantôt, là, puis pour y jouer, au lieu de jouer sur mon analogue avec une manette Bluetooth dans le salon, là, ma blonde est en haut. Je me dis, ah, fuck off, man. Ouais. Je branche ma top loader en composite sur ma Toshi Bourret dans le fond de la cave, puis je joue direct là, puis j'ai joué, man. Ben, faut dire que mon gars t'es pas là. Je me suis mis dans un raccoin puis j'ai joué. Bref, c'était bien plaisant. Ouais, ça m'a envoyé des beaux vidéos très courtes de ça. Là. Oui, mais j'en ai profité pour essayer plein d'autres affaires qu'on va parler aujourd'hui. On a bien les jeux à présenter. Oui, c'est ça. Fait que, t'avais-tu fini? Bien oui. Ben c'était oui. Mes achats pour l'instant. Très bel achat. Ça commence à être pas mal respectable. C'est assez, là. Là, faut que je vienne au magasin m'acheter des cassettes de N64 et d'Atari. Là. C'est ça qui on ira voir tantôt l'Atari. Après le show, on va aller voir en arrière. On a des tonnes de jeux d'Atari. Ça m'intéresse. Fait qu'on va checker ça. On fait un petit stack. Là. Exact. Fait que là, on s'en irait en critique. En critique. Ça, là. Allez, me chercher direct dans les feels. Oh, tellement. Ah. Alors, parlant de feels très intenses, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais faire la critique de Shinobi Art of Vengeance. C'est développé par Lizard Cube, publié par Sega, puis c'est disponible sur toutes. Alors, l'année dernière est sorti Ninja Gaiden, Ragebound. Et Shinobi, quasiment en même temps, tu sais, pratiquement en même temps. Puis là, c'était comme, hey, c'est lequel le meilleur jeu de ninja qui est sorti? Et j'avais joué à Gaiden, je l'ai critiqué ici. Puis Shinobi, il était dans mon back burner, of course, là, mais je voulais le faire. On l'a reçu en physique un peu plus tard, fait que j'attendais vraiment de l'avoir en physique. Fait que c'est pour ça que ça a retardé mon affaire. Puis là, dans le temps des fêtes, j'ai, au mois de décembre, en fait, j'ai commencé Shinobi. Puis là, man, je suis tombé là-dedans, là. Puis là, j'avais déjà, quand j'arrivais à la fin de Shinobi, j'avais déjà préparé nos publications de fin d'année de top 10 chacun. Ouais. Puis là, j'avais tout publié dans l'excellent groupe Facebook, Finir des cassettes. Oui. J'avais fait tout, j'ai fini. Puis là, j'étais comme, fuck, j'ai fini Shinobi. Je l'ai poussé pour le finir le 1er janvier. Pour être sûr que tu l'as fini en 2026. Exactement. Ce qui crée des problèmes. Là. Canadiens m'ont dit carré. Suzuki, Chris, ça va faire du bien, ça. 3-2. Fait que Canadien. Fait que j'ai tout ramassé entre-temps. Fait que bref, je l'ai fini. C'est mon premier jeu de l'année, j'ai fini. Alors, oui. Sega. C'est un jeu, ça, qui est développé par les mêmes gens qui ont fait Streets of Rage 4. Et vous verrez le look là, qui ressemble énormément, là, je sais pas comment le dire, là, comme dessiné un peu, là, Cartoon Clean. Ouais. C'est les gens aussi qui sont derrière Wonder Boy in Monster, Monster World. Là, c'est le même look. Là, ouais, avec ça look, des, c'est vrai. Des traits contours. Là, c'est ça, bande dessinée. Je sais pas comment le dire. C'est un peu pas manga, mais... Non, mais genre... Mais oui, un peu. Genre. C'est ça. Bande dessinée pour adultes. Et puis, c'est un... fait que ça, vous allez le sentir. Au niveau du gameplay... C'est pas juste slash-slash, là, tu sais, tu débloques plein de combos. Puis le gameplay est un gameplay qui a de la profondeur. Ouais. Il y a de la profondeur. Et puis, mais j'avais peur qu'il y en ait trop, tu sais, parce que Fred, il me parlait de ce jeu-là, parce que quand il était en train de jouer, puis là, il m'expliquait, là, tu pognes des upgrades, tu débloques des nouveaux skills, puis avec ici, tu fais ça, puis là, je suis comme... On dirait que j'en veux. Ouais, trop d'affaires. J'en demande pas tant, là. Mais finalement, c'est vraiment pas si pire que ça. Michael, dans le chat, qui dit c'est le remake de Wonder Boy Dragon's Trap. En effet, c'est ouais. Ça. Et puis, donc, bref. Je suis un peu étourdi. Je sais pas par où commencer. Trop d'affaires, maintenant. Trop d'affaires. Ouais. Fait que c'est du niveau par niveau, OK? Mais des niveaux exploratoires. Okay. Donc, Metroidvania. Puis là, bien sûr, tu fais le niveau, tu es comme « Ah, j'ai pas ce skill-là, il va falloir que je revienne. » Puis tu débloques des skills, tu sais, t'accrocher au plafond, tu sais, puis des affaires de même, casser des murs qui n'étaient pas cassables avant. Tu fais plein de choses comme ça. On vient de plugger un autre... un autre Patreon que le nom d'un... On a volé son gameplay, on savait pas, fait que là, allez pas y donner d'argent. Alors, c'est lui. C'est ouf. J'ai même pas regardé le gameplay que tu m'as envoyé. Moi, je n'ai pas regardé si longtemps que ça. Ben, tant mieux pour ce YouTuber-là. On a volé ses affaires. Et puis, fait que c'est ça. Donc, c'est des niveaux par niveau. Et puis, que tu peux revenir faire en tout temps et revenir de ramasser des choses. Et il y a des choses à ramasser dans chaque niveau, bien sûr. Avec l'argent, tu achètes des moves, tu achètes des upgrades. Tu débloques des genres de magie. C'est quoi qui se passe là dans le gameplay? Il doit présenter des affaires là, qu'on a même pas regardé. On aurait dû regarder ce qu'on mettait. Ah ouais, il fait-tu des références lui là? Peut-être là. C'est ça. Mr. Rat, tu viens d'arriver. Tu l'as manqué la présentation. Hein. On vient de présenter l'analogue 3D. Oui, je l'ai reçu. En effet. Et puis, fait que bref, ça j'ai beaucoup aimé ça, là, qu'il y ait du Metroidvania là-dedans. Puis je trouve que ça le fait shiner comparé à c'était Ridge pas Band. Chiant d'avoir revenu. Non. Puis je fais jamais des jeux à 100%. Puis lui, je l'ai vraiment fait à 100%. Aller chercher toutes les suits, tout acheter dans les magasins, grinder, chercher vraiment. Puis la map, elle a une bonne façon de te montrer un peu les zones où est-ce que t'es pas allé. Donc ça se faisait très bien. C'est ça. Le gameplay, man, c'est tellement satisfaisant, là, tu sais. T'as des genres de finish, t'as tout ce qu'il faut, là, tu sais. Et puis, t'as des magies que tu utilises, des grosses magies. T'as aussi des espèces de, comment dire, des moves middle, là, de coches de magie que tu peux utiliser aussi. C'est dur à expliquer. Tu peux équiper des genre genres de magie moyenne, magie forte. Ben, tu vois, ou en haut, là, il y a une affaire verte qui ah, il vient de l'utiliser, là. Il vient de cracher un peu de feu, là. Fait que là, ça se remonte en bûchant le gars. Ouais. Tu peux en avoir plusieurs. Puis, mais quand un bon, c'est sous bord d'être mort, mais qui est pas mort, il apparaît une espèce de signe japonais au-dessus. Okay. Puis là, tu peux peser une combinaison de boutons très simple, puis là, ça fait un finish, puis là, ça le détruit complètement. Puis là, il te redonne beaucoup plus d'argent que d'habitude, puis de la life même des fois. Et puis, dans le chat, on dit que c'est bon le remake de Wonder Boy Dragon's Trap. C'est vraiment très, très bon, en effet. Donc, c'est ça. Visuellement, ce jeu-là est absolument magnifique. Ouais, c'est magnifique, là, c'est vraiment hot. Puis, il y a certains niveaux qui sont des niveaux, comme on voit là, sur rail. Wow. Donc, tu cours sur ton loup. C'est comme genre le remake de Circus Charlie déguisé. Du feu, tu sautes, je sais, en tout cas. Mais c'est toutes des affaires qu'il y a dans les autres Shinobi. Là, ah, OK. Puis, il y a un niveau aussi que tu es genre sur un surf, là, en métal avec un moteur là, qui avance, là, tu sais, qui fait référence à Shinobi 3 Genesis, il me semble. Fait qu'ils ont ramené ça. Je connais pas assez le lore de Shinobi pour savoir, mais j'en suis persuadé que y a tous les monstres qu'il y a là-dedans doivent être des monstres qu'il y a dans whatever Shinobi qui peuvent aller aussi loin que le premier à l'arcade. Là, t'sais. Je suis sûr qu'ils ont fait des références à tout ça. Alors ça, c'était très bien. L'histoire est vraiment le fun aussi. Y a des personnages secondaires qui apparaissent, qui ajoutent de l'importance. qui te demande des petites choses. Là. Fait que, ça rajoute du scénario, c'est vraiment très bien. C'est pas un jeu que je considère dur, là, vraiment. Okay. C'est à la portée de tout le monde. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de save points. C'est trop facile, c'est à la portée de tout le monde? Ben, moi, je trouvais ça correct. Il y a des boss que j'ai rushé un peu, mais j'étais comme, ah, OK, là. Okay. C'est une balade plaisante, là, dans Chinatown. C'est une belle, grande balade, là, cool, ça, que tu vas avoir le goût de revenir faire, là, 100%. Fait que c'est ça. Donc, écoute, pour moi, j'ai tellement eu de fun. Là. J'étais complètement... Ça a été mon seul jeu. Ouais, c'est là. Vraiment beau pour eux. Ah, vraiment. Puis ça a été mon seul jeu du temps des fêtes, finalement. Je me disais, ah, je vais me prendre un long jeu, tout ça. Puis ça a été ça, un jeu qui n'est pas nécessairement si long, mais que j'ai fait à 100% parce que je voulais vraiment absolument tout ramasser. Ouais, ouais. Fait que le Metroidvania, là-dedans, on a rajouté beaucoup pour moi. Et puis, vraiment, là, j'ai capoté. Il y a Glevas qui dit que c'est un Metroidvania light. Puis il y a beaucoup, mais ça cause que c'est un Metroidvania plus light. Là. Moi aussi, c'est exactement, tu sais, c'était vraiment une bonne idée. Pas le style Metroidvania. T'as dit quand il y en a trop, puis c'est trop lourd, dans le fond, puis c'est... Ah ouais, non, c'est ça, c'est ça. Ben moi, j'aime beaucoup ça, là, ouais, les Metroidvania, mais si Glevas aime pas ça... Quand c'est too much, ben là, certainement qu'il y a eu juste la bonne petite dose. Cool. T'es même pas obligé d'en revenir. Tu peux juste finir le jeu. Ah, hein? Puis t'auras pas une mauvaise fin là, ou quoi que ce soit. Mais moi, je voulais faire tout le shit. Là, puis ouais, comme on voit à l'écran présentement, il y a quand même aussi des zones de platforming intense et d'agilité. Là, qu'il faut que tu combines tes affaires. Ah. T'as comme une espèce de parachute qui te fait planer. T'as un dash dans les airs. T'as un claw qui fait que tu peux grip des murs. Fait que, puis t'as des resets. Quand tu claws un mur, ça reset ton dash. Fait que là, faut que tu fasses des calculs mentaux pour. Des calculs mentaux pour voir comment tu passes telle ou telle zone, là, tu sais. Fait que, voilà. OK. Alors, c'est ça. Ça fait un bout que j'ai fini. On dirait que je sais plus quoi dire. Mais je pense que j'en ai assez dit. C'est Shinobi. De toute façon, c'est Shinobi. Et puis, moi, comme je disais, le seul Shinobi que j'ai vraiment apprécié, c'est le 3 au Genesis. L'original, j'ai pas aimé vraiment au Sega Master System. Wow. J'ai jamais tant essayé à l'arcade. Je l'ai sur 3DS. Ce qu'ils ont fait, je trouve ça... Shadow Dancer, je trouve ça tough en crisse. Le Shinobi Revenge machin au Genesis que je possède parce que c'est celui avec Batman dedans ou Spider-Man, je me rappelle plus, qui est très rare, il est dur, je trippe pas. Shinobi Legion, je pense, au Saturn, j'ai pas aimé ça. Fait que c'est vraiment pas une série, tu sais, moi, Shinobi, c'est pas une série qui m'attire, là. Mais ça, là, capoté, ils l'ont vraiment amené ailleurs, là. Vraiment. Alors, Jean-François, oui. Pour toutes ces raisons, je vais offrir un... M'offrir un 5 pommes. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu. Commence l'année fort. Ah, ça part fort. Premier jeu de l'année, 5 grosses pommes. Wow. Des Kirtland, mon ami. Bien croquante. Et puis, Steph Talbot qui demande si j'ai préféré Ragebound ou Shinobi. Pour vrai, je dois dire que j'ai préféré Shinobi. Mais c'est pas disant que Ragebound n'est pas bon. Non. C'est pas genre ça, c'est pas bon, mais ça, c'est bon. Les deux, c'est excellent. Mais Shinobi, j'ai pogné une coche de plus. Là, okay. Mais Ragebound demeure un très bon jeu. Faites-le les deux, il n'y a pas de questionnement. Mettez votre budget sur les deux ninjas. Droppez là, tout, c'est ninja. Exactement. Donc, voilà. La vraie raison pourquoi j'ai deux manettes à 8 bits d'eau sur les 4, c'est pour jouer à Robotron avec les deux manettes. C'est ça. 120$ de manette. Je pourrais avec mes vraies manettes aussi, là, mais. Non, ça te prend des vraies manettes. Non, mais tu sais, quand t'as tellement d'argent, là, tu sais plus quoi en faire, tu le garages des machines à sous. Prends une machine à sous, Dom. Oui. Tu veux le lien? Quel beau segment. Hein? Je te parle aujourd'hui de Clover Pit, développé par Panic Arcade, publié par Future Friends Games. C'est disponible sur PC, Xbox, iOS et Android. C'est un jeu de machine à sous. Oui. C'est un jeu. C'est un jeu à la. Tu sais. Les card builders, les balatros de ce monde, ces affaires-là. J'ai jamais essayé balatros. Moi non plus, mais c'est un jeu qui est basé un peu sur ce concept-là que tu recommences tout le temps, mais tu rebâtis ton deck, entre guillemets. Là, fait. Ouais, ouais. Dans le fond, là-dedans, c'est que tu te réveilles dans une belle pièce qui fait pas peur du tout, là, qui est pas du tout creepy. Il y a pas une toilette que tu peux chier dedans et avoir des bonus. C'est genre, c'est... Ouais. Fait, wow. Fait que dans le fond, mais c'est comme une cellule, tu peux pas sortir. C'est comme une cellule. T'es dans une pièce fermée, une petite pièce carrée. Sur un côté, t'as une machine à sous, comme on voit là, avec une table, avec des limites. Donc, où est-ce que tu vas pas aller déposer des charms. Je reviens un peu là-dessus. Sur l'autre mur, en fait, t'as un téléphone, t'as des charms que tu peux acheter, puis là, t'as aussi une place où est-ce que tu vas aller déposer ton argent. Fait que dans le fond, tu te réveilles là-dedans, cellule-là, et t'as des dettes à payer, Dom. Okay. Tu payes tes dettes à quelqu'un. Oh. Je pense que c'est le diable. Là. Il y a quelque chose qui est, il y a des 666 puis des affaires un peu démoniaques. Puis ouais. Tu comprends que c'est peut-être le diable, mais tu sais pas trop ce que tu fais là-dedans. Fait, la manière que ça fonctionne, c'est que ce jeu-là, c'est t'as 3 rounds de machine à sous pour payer tes dettes. Ta dette du moment, mettons. Fait qu'au début, t'as une petite dette, puis là, si t'as payé, t'avances au prochain niveau, fait que ta dette a grossi, puis a grossi, puis a grossi. Fait que faut tant que t'augmentes. Puis là, le gros de ce jeu-là, c'est vraiment les charms, en fait, que tu vas acheter. Puis les charms vont faire qu'ils vont t'augmenter, genre, ta chance, la valeur des symboles, mettons, t'sais, ce genre d'affaires-là. Okay. Puis là, faut que t'apprennes à combiner ensemble les bons charms pour pouvoir augmenter ta chance pour les bons symboles pour augmenter. Puis ça vient une stratégie de combiner les charms ensemble. Puis plus tu joues, plus tu débloques des nouveaux charms. OK. Puis quand tu gosses. 150 et plus, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Ben à un moment donné, là, j'ai genre, parce que moi je l'ai pas fini. Il y a des gens sur Discord à qui j'ai parlé qui l'ont fini. Je me rends loin quand même, là, mais j'ai été voir sur le net. Puis il y a du monde qui font genre 1$ exposant 10 000. Genre, c'est comme. C'est, genre, ils brisent la machine tellement qu'il y a de l'argent là, qui okay. finit plus. Là, fait que. Tu peux vraiment aller très loin dans les combinaisons de ces jeux-là. Fait que c'est beaucoup sur les charms. Et si t'as pas l'argent nécessaire à la fin de ta run, ben là, ils sont comme « Ah, oh, ben t'as pas l'argent nécessaire, puis t'as une trappe qui ouvre en-dessous de toi, puis tu tombes, puis là, tu recommences ta run. » C'est ça, ils te font tomber dans le trou. C'est très brain dead comme jeu. Tu regardes tes charms, puis tu peux jouer en faisant d'autres choses, mais c'est le fun. Puis je trouve que le feeling machine à sous, il est quand même bon. Là. Quand tu pognes un full board, t'es comme « Oh shit, oh shit, oh shit! » Ils ont bien le petit l'attrait de dopamine quand t'y pognes. Par des gamblers, pour des gamblers. Ouais, exactement. Là. ils ont dit « Cutman » à la soundtrack. Ah, c'est pour l'autre. Ah, ce qu'ils jouent présentement. Ouais, ouais. Les charms vont varier. Il y a des charms qui sont, il y a un bouton là à droite. Là, fait que c'est des charms que tu peux activer. Il y en a que c'est à chaque round. Il y en a qui font faire attention, il y a des charms qui peuvent jouer contre toi. Puis plus t'avances, à un moment donné, la machine, tu mets à sortir des 666, puis là, ça peut t'enlever ton argent. Fait que plus t'avances, plus tu joues avec ça. Fait que c'est un bon petit jeu, là, tu sais, très simple, très efficace. Tu peux sortir de la pièce à un moment donné quand t'as fini, je me suis pas rendu encore. Ben, j'ai vu c'était quoi, mais j'ai pas poussé ma beau soleil bleu. Non, ça a l'air d'être un petit peu creepy ce côté, là. Ah ouais, hein. Mais bon, l'attrait de ça est vraiment les machines à sous, là, c'est. Mais c'est très bien, tu sais. Puis à droite, sur le mur, t'as comme toutes les. Oui, on demande s'il y a une colle quelque part dans le jeu. Vraiment dans un des tiroirs, là. Ah, puis à chaque round, t'as un téléphone qui sonne. Puis t'as 3 offres qui vont être proposées gratuites, mettons. OK. Puis tu peux en donner de l'argent ou des coupons, parce que j'ai pas dit non plus. T'as le choix de faire 7 tours de machine à sous qui vont donner un coupon ou 3 tours qui donnent 2 coupons. Puis les coupons servent à acheter des charms. Fait qu'il faut tout que tu balances ça dans ton jeu. Mm. Fait que si t'as assez d'argent pour payer ta dette, ben là tu vas essayer d'avoir plus de coupons. Si t'as trop de coupons, tu vas essayer de payer ta dette. Fait que tout le temps tu rebalances. Calme. Si tu sauves la corde, tu te pends en arrière, j'imagine. Puis là, il y a une toilette, donc tu peux pisser puis chier. Puis ça te donne quoi, ça? Ça unlock des trucs comme ça, là, des peurs, des nouveaux charms qui sont disponibles dans ta run que tu peux pogner. Fait que tu peux-tu aller pisser continuellement? Tu peux, mais tu vas te débloquer juste une fois ton charm. Là. Ah, ok. C'est un peu aussi comme les jeux comme Team Binding of Isaac. Tu vas faire une nouvelle run, tu vas avoir des différents charms, tu vas avoir des différents combos. Fait que ça se peut que tu pognes une run qui est incroyable, que genre tout s'aligne puis ça va vraiment bien. Ça se peut que tu pognes une run de merde puis ça marche pas très bien. Là. Bon, on est un lock and clé. Mais tu sais, en gros, c'est ça le jeu. T'es dans une pièce puis t'as une machine à soupe des charms. Faut que tu combines les charms pour faire de l'argent. C'est un jeu de VR? Non, c'est un jeu de PC. Là. Ok. PC Xbox, je pense que j'ai dit tantôt, mais il est également aussi sur iOS. Là. On voit le deal au téléphone. Là, fait que. Tu peux dépenser des billets, des tickets pour reroll. Ouais. Tu peux aussi dépenser des tickets pour rafraîchir les charms qui sont offerts. Je trouve par exemple que au niveau des charms, c'est un petit peu verbeux. Là. Des fois, tu as des longues affaires à aller. Je regarde ça. Ça, c'est pas si pire. Mais dans les charms, les boîtes sont immenses des fois. C'est comme blablabla. Je suis comme, mettez-moi des symboles. C'est un petit peu trop long à aller. Mais je pense que ça fait partie un peu du jeu aussi de rendre ça si compliqué qu'il faut que tu lises. C'est comme. Ok, ça me donne plus 7 de chance. Ça, c'est tel symbole qui est ça. Qu'est-ce que je mets de quoi? Puis ouais, c'est ça. Des fois, tu pognes des affaires que si tu les mets ensemble, ils vont entrer en conflit. Fait que tu vas baisser tes chances de gagner. Fait que c'est ça, là. Alors, on dit qu'il est sur la Game Pass Xbox. Je l'ai essayé. Fingercut qui dit. Donc, voilà. Un jeu dans lequel vous payez vos dettes au diable. Et, dans un univers glauque. Des toilettes pétées. Il y a des tripes dans un bol. Ouais, ouais. À un moment donné, tu débarres des tiroirs parce que tu peux aller ranger ton stock. Parce que quand tu as trop de charms. Faut que tu les discardes, mais là, tu peux les mettre dans le tiroir pour en avoir un autre pour une run spéciale. OK. Puis là, tu débarres genre des morceaux de squelette. Là, tu peux te mettre genre un bras de squelette. Puis là. À toi? Non, sur okay. La machine à sous. Bibelot, là, okay. Puis là, tu peux pas le discarder. Tu sais pas trop ce que ça fait. Il y a des affaires très mystérieuses dans le jeu. Là, puis J'ai vu du monde qui sont allés genre faire l'inverse, comme perdre vraiment beaucoup. Là. Fait que c'est, il y a quand même une belle profondeur. Là. Mm. Tu fais quand même le tour vite, mais tu veux t'y retourner. C'est des machines à sous, c'est ouais, le fun. C'est ça, hein? c'est... Mais ça m'en aurait pris un petit peu plus pareil que juste les charms pour vraiment lui donner une note un peu plus haute que ce que je vais lui donner. Je vais donner une note de 3 pommes et demie aujourd'hui. Ouais. C'est très bien. Si vous êtes un amateur de machine à sous. Oui, bien sûr. Mais aussi mais de. Pas obligé. Non. Si vous êtes un amateur de deck builder, ça pourrait être genre lancer des dés, ça pourrait être d'autres choses aussi, ça ferait la même chose. Là, c'est un prétexte de mettre les machines à sous. Là. Mais je me rends au montant de la clé. Moi aussi, je me suis rendu au montant de la clé, mais j'ai pas ouvert la porte encore. Là. OK. Donc voilà. C'est très bien. Ça coûte pas très cher. C'est genre 10-15$, me semble, là, sur Steam. Sinon, Xbox Game Pass, comme on a dit, et vous pouvez l'avoir sur iOS et Android, donc de se jouer très bien sur un cellulaire, ça aussi. J'avoue, hein. Brain dead en regardant la télévision, là. Ouais, ouais. Le tableau, on regarde Décor ta vie, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ça joue même plus, pas vraiment. Décor ta vie. 20 ans, c'est comme l'équivalent de dire que Britney Spears était à la mode. Pendant les pauses du Canadien, tu gambles un peu, puis tu dépenses pas de vrai argent. C'est Heated Rivalry. Ah oh, oui. C'est ça qu'il faut que tu écoutes, là. On m'a demandé si j'avais écouté ça. Non. Je devrais, par exemple, avec une main et une culotte. Ouais, c'est ça. Ça a l'air que c'est épouvantablement mauvais, par exemple. C'est mal joué, mal acté. Moi, tourné. J'ai entendu tout l'inverse. Moi, j'ai vu les deux. J'ai vu des deux commentaires, fait que je sais pas. Okay. Je l'ai pas écouté encore, là. On se fait une petite soirée, là. Vin rosé, puis on écoute ça, là. Ouais, ensemble. Il y a avoir des gars se pogner le sac. Ben ouais. Ah non, c'est 3-3. Bon. Colin. Mais bon. C'est ça. C'était Clover Pit. Excellent. Tu peux-tu croire qu'il y a un autre jeu de machine à sous de Rogue en ce moment qui existe? Que je vois qu'est-ce qu'il y a aussi. Hein? Je sais pas ce qui se passe. Il y a un autre jeu d'un genre qui est pas ça, une autre affaire complètement différente. OK. De machine à sous, qui est genre le concept des machines à sous, mais c'est d'autres choses. Je vais regarder ça. Tu feras ça, JF. T'es notre gars de machine à sous. Ouais, puis tu seras fier de savoir que j'ai un Excel qui avec tous mes jeux que je veux faire là, cette année. Tu commences ça? Ouais, j'ai commencé à faire ça pour vrai. OK, OK. Je suis perdu sinon, genre j'oublie ce que je dis tout le temps, là, puis il y a trop d'affaires dans ma tête, fait que j'y aimais, puis là je sais qu'est-ce qui s'en vient. Ben, puis c'est pratique pour la fin d'année aussi. Ouais, exact, parce que j'ai joué. Puis... Exact. Fait que non, moi... Sur cette musique de Bubble Bubble. Oui, avec cette musique de Bubble Bubble, on s'en va justement parler de Dragon au NES. C'est vrai? C'est incroyable. Wow! Et puis, Twin Dragons est développé par Broke Studio, publié par Broke Studio, disponible sur NES en vraie cassette. Et sur PC. Drôle de mix, pareil. NES et PC. Ah ouais, c'est incroyable. Ben, PC, ouais. Là, je peux pogner à Rome. Là, ouais, ben ouais. J'ai pas trop exploré ça. Et puis, si j'ai accédé à ça, moi, c'est parce que... Tu peux mettre du gameplay pendant que je parle, hein? C'est parce que Michel Beaulieu, excuse-moi, est venu vendre des jeux chez Retro MTL. Et puis, je savais pas, en fait. Moi, j'arrive un matin, il y a des... je regarde tout le temps les bacs, tu sais. Ouais. Là, je vois des jeux NES. Puis là, il y avait ça au travail. Je suis comme, oh! Fait que je l'ai amené chez nous, je voulais l'essayer. Et puis, là, j'ai fait un story pour montrer que je jouais à ça. Puis là, Michel m'a écrit en privé sur ma page Papa Cassette pour me dire, hey, c'est moi qui ai emmené ça. Puis là, il était content, tu sais, que le prenne pour jouer comme ça. Donc, on a jasé un peu. C'est un Kickstarter, ça, en fait, à l'origine, qui a backé. Et puis, il a eu sa copie. Puis, bon, il avait fini avec. Et, qu'est-ce que je voulais dire, non? Ben, c'est ça. Alors, fait qu'il te l'a amené. Il l'a amené chez Retro MTL. Alors, merci, Michel. Très apprécié. Merci de nous faire confiance pour nous vendre tes jeux. Et puis, il est en de bonnes mains. Alors, ce que c'est, ça, c'est l'histoire de deux petits dragons. Le gars, il est très agressif. Oui, hein? Puis ça, j'ai pas pensé le faire demain. C'était les cactus de Mario 3, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. L'histoire de ça, c'est deux dragons qui sont bien chill dans leur montagne, puis ils ont un œuf. OK. Dire, un coco. Ah oh, ouais. Pas le chiffre. Pas le chiffre, ils ont pas un chiffre. Ouais. Parce que t'es un gars de chiffre, toi. Je oui, j'ai. Je suis l'air de calculer dans ma tête, là. Shift, ouais. Un lecteur numérique. Et puis donc, c'est ça. Puis là, il y a un hostie de sorcier sale qui arrive, qui vole l'œuf, et puis là, qui te fait disparaître, toi et puis ton frère dragon, aux deux extrémités de la map. Toi et ton frère. Ils sont des frères. Ouais. Ou peut-être des sœurs, ou frères et sœurs. On sait pas, on n'a pas vu leurs organes génitaux. On juge pas les dragons sur leurs ex. Exact. Et puis, donc voilà. Donc, tu commences le jeu en étant le petit dragon vert. Et puis, lui, il a ses niveaux et tout. Puis, il a son niveau spécial et son skill qui est de nager. Alors, tu fais du platforming et d'un coup, tu as un niveau d'eau dans lequel il nage. Et puis, lui, il a un skill aussi bien à lui. C'est de, quand il pogne un piment rouge, c'est de cracher des balles de feu plus grandes. OK. Et le piment, un coup que tu as fini ses niveaux à lui, là, on t'envoie faire les niveaux du dragon rouge. Alors, lui, fait exactement le même type de platforming en lançant des petites balles de feu. Mais lui, par contre, pogne un piment rouge aussi, il me semble. Et il lance des balles de glace qui peuvent freezer les ennemis. Okay. Et son skill à lui, son type de niveau à lui, c'est qu'il vole. Alors, ce dragon peut voler. Un qui nage, un qui vole. Chacun il vole en shmup ou il vole que tu peux genre il faire? Il vole en pitonnant, pour te promener dans les zones. OK. Donc, voilà. Au niveau du platforming, c'est vraiment des plateformes qui bougent, des trous à sauter par-dessus, des bébites à poivrer. Quand tu utilises juste ton petit dragon, ton petit feu de base, ça prend. Il y a des ennemis, je trouve, qui prennent beaucoup de hits, là, pour vrai. Puis des boss aussi, des fois, ça vient un peu ridicule, là. Donc, c'est ça. Mais au moins, le dragon vert, quand tu as tes grosses balles de feu, c'est moins long. Mais avec le dragon rouge, c'est pas moins long parce que tu fais juste freezer ne fait pas de dommages. Okay. Fait que ça, c'est un petit peu plat. Et puis... des niveaux, bien sûr, classiques. On commence dans une genre de forêt très de base. Après ça, bang, tout de suite dans la glace. Ça, on n'aime pas ça. Non. Et puis, tu sais, c'est des thèmes de platformer là, qu'on s'attendrait. Ouais, ouais, ouais. T'as trois cœurs pour de la vie. Tu peux pogner des cœurs pour replenish tout ça. Quand tu décèdes, tu perds ton upgrade de balles de feu, ben de balles de projectiles. Et mais t'en repognes quand même, là, il t'en donne. Et t'as un checkpoint par. T'as trois niveaux par monde avec un boss à la fin. OK. T'as un checkpoint par niveau. Et lorsque tu perds tes trois vies, tu recommences au début du monde. Et les mondes sont quand même pas si longs. Fait que, tu sais, c'est pas si déprimant là, de refaire le monde non plus. Tu sais, il y en a juste trois. Ouais, ouais. Puis c'est un jeu qui est bâti, ça, puis je le sens, pour du platforming, tu sais. Du speedrunning. Ouais, ça paraissait quand le gars il jouait là, qu'on regarde en ce moment là, la personne qui joue là. Exact. Moi au début j'y allais, je tuais toutes là, un après l'autre, il n'y a rien que je laissais vivant là, puis je prenais mon temps. Puis là un coup que tu t'habitues un peu au gameplay puis tout ça qui est très tight là, d'ailleurs c'est parfait, un coup que tu es habitué à ça, tu te dis waouh, j'ai pas besoin de tuer ce monde là, moi je peux juste comme skip passe vite. Puis en plus quand tu fais le segment du dragon qui peut geler, ben là, quand les ennemis sont gelés, ils te font pas de dommages. Fait que tu gèles le monde. Puis tu gagnes pas du high score à le faire. Ouais, t'as pas d'incitative à tuer les ennemis. Il y a pas de score, non, en effet. Puis t'as pas plus de vie menée en tuant ou c'est. Non, ça donne à rien. Okay. Mais des fois, il y en a qui te droppent un cœur de life. Okay. Fait que, tu sais, merci. Mais, c'est tout. Alors, puis il y a des. J'ai oublié de le mentionner, il y a des piments verts partout dans les niveaux. Qu'on voyait ça comme des scènes à Mario. Quand t'as 100, tu pognes une vie. Et puis, bien sûr, quand tu perds tes trois vies, tu retombes à zéro au piment. Alors, tout ça est à refaire. Et voilà. Donc, puis un coup que vous avez fini les segments de chacun des dragons, les deux seront réunis dans le niveau final, qui est une tour, qui, lui, a plus de niveaux dans la tour. Donc, il y en a genre 5 ou 6. Puis, il y a genre 3 boss. Et puis, avec un boss final qui a quelques... Il y a des formes, plusieurs formes. OK. Donc, c'est un niveau plus complet. Et là, vous avez les deux dragons en même temps que pouvez swapper on the fly en pesant sur Select, comme on le fait cool, Curse of the Moon ou Castlevania 3. Et puis, attention de ne pas te mettre ton dragon qui vole dans l'eau parce qu'il va crever. Ah ouais? Et puis, c'est ça. Faut que tu choisisses... Ben, c'est pas... T'es pas cave, là, tu sais, tu vois de l'eau qui arrive, tu switches de dragon. Alors, voilà. Mais chaque niveau de la tour vous fera utiliser les dragons à bon escient, tu sais. Puis, c'est ça. C'est stimulant. Moi, j'ai joué à normal, et puis, j'ai pas eu de difficultés, là. J'ai très bien passé au travers de ça. Certains boss, je peux même pas dire si j'ai recommencé un monde, peut-être une fois. C'est quoi les modes? Easy, normal, hard, mettons? Juste normal puis hard. OK. Et puis après ça, Michel, lui aussi, a fini à normal, puis il a dit « essaye le hard après, là, c'est plus de challenge, c'est intéressant ». Et c'est vrai. Et je me suis rendu au quatrième monde, donc après l'eau. puis j'ai pas arrêté parce que j'étais plus capable, j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps. J'avais joué déjà à deux critiques, puis on avait d'autres choses. Alors, je considère que j'ai joué bien en masse. Mais le mode hard, très faisable, et puis peut-être est un meilleur challenge pour les joueurs un petit peu plus aguerris, en effet. C'est le mot que je cherchais, bravo. Et puis, tout ça, tu sais, c'est un très beau jeu, ouais, là, graphiquement. C'est cute. Tu sais, il n'y a pas de défaut, tu sais, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de glitch, de marde, là. C'est propre, là. Aucun bug nulle part, aucune affaire. Je suis comme, tu sais, c'est un jeu très, très, très bien fait, parfait. Si ça avait été un vrai jeu NES de l'époque, tu sais, j'aurais dit, je le trouve un peu court, là, un peu simple, si je peux dire. Il y a des jeux NES qui sont beaucoup plus deep que ça. Donc, c'est, tu sais, ça demeure un jeu léger, là, ouais. Mais très, très, très agréable. Et puis, le gameplay est parfait, la musique, c'est bon, c'est du bon NES. Tu sais, j'ai vraiment eu du plaisir, là. Ça m'a fait du bien, comme je disais tantôt, je me suis installé dans le sous-sol avec mon vieux hardware. Dans un coin, avec un coussin, puis ma manette, ma dog bone de ma NES Top Loader. Le vrai setup, là, tu sais. Alors, jouer j'ai eu des tonnes de plaisir de revenir à un format de même plus rustique et puis à jouer du bon NES, là, tu sais. Donc, je sais pas comment vous pourriez vous procurer cela. Pognez un rhum, mettez ça sur votre pocket, whatever. Ouais. Je pense pas, j'ai même pas vérifié. Je suis pas sûr que ce jeu-là est disponible à l'achat en physique, si vous le voulez, drette là. J'ai vu que, parce que ça fait un bout de ses sorties quand même. J'ai vu qu'il y avait des versions avec boîte, pour, il me semble, certaines versions différentes. Moi, j'ai juste la cartouche avec le livret. Beau petit livret, là, très sympathique. Donc, voilà, j'ai eu bien du fun avec ça. Magnifique. Alors, pour toutes ces raisons, Jean-François, je vais donner 3 pommes et demi à Twin Dragons. Mais tu sais, un bon 3 pommes et demi, là. Ça aurait pu être plus long, ça aurait pu être un petit peu plus sophistiqué, là, si je peux dire. Donc, mais tu sais, c'était facile, là, quand même, tout ça. Mais c'est vraiment, j'ai eu un beau moment. Et je remercie encore une fois Michel Beaulieu d'être passé vendre sa cartouche chez Retro MTL. Et voilà. Là, c'est-tu... On est-tu rendu... On est-tu rendu au grand moment? Ouais, on met une petite musique, là, puis... Ah non, mais attends, parce qu'il y a une autre musique pour le grand moment. Oh oui. OK. Ben, je te laisse. Il va se passer des affaires, là. Donc, mesdames et messieurs, premier show de 2026. Ça veut dire résolution. Et résolution pour nous, c'était de mettre un nouveau segment, parce qu'on avait plein de plaisir, puis on voulait faire quelque chose de différent cette année. Exact. Puis le segment vient non seulement avec un panneau, il vient aussi avec une petite musique d'intro. Fait que voilà notre nouveau segment, mesdames et messieurs. Ah, voilà. Alors, le nouveau segment s'appelle Atari Vision, mesdames et messieurs. C'est un heureux mélange de Atari et Intellivision. Excusez-moi. On le remet. Ouais, je... J'ai pas baisé le bon bouton, excusez. C'est correct. Et puis, si vous entendez les applaudissements présentement, ça, c'est le son classique de tous les applaudissements. Quand il y a besoin d'avoir des applaudissements dans un jeu Intellivision, c'est toujours ce segment-là, c'est toujours ce son-là d'applaudissements. Ouais. Alors voilà, pour ceux qui écoutent en vidéo, vous avez vu, j'ai fait un beau panel avec une Atari 2600 Light Sixer, Wood Grain, un Intellivision et un Atari 7800. Alors, dans cette chronique qu'on va faire à chaque show, on va chacun critiquer très rapidement. On va parler de critiquer. On va juste comme... C'est parce que c'est ça la réflexion. On veut parler de vieux jeux, mais c'est pas assez long pour en faire une vraie critique de 10 minutes. Fait que qu'est-ce qu'on fait, là? Fait que voilà. On va chacun présenter à chaque show un jeu. On présente chacun un jeu, puis en fait, on va probablement avoir joué les deux aux deux jeux, comme c'est le cas ce soir, là, Dom. Là. Oui, parce que chacun de nous a tout ce qu'il faut à la maison pour jouer à pas mal. Toi, t'as le vrai stock d'Atari. Là. Moi, je peux me débrouiller avec la Pocket ou mes jeux physiques, mais sinon, la télévision, on a tout. Exact. Voilà. J'ai tout ce que... Toi, t'as la Sprint qui contient tous les jeux. Moi, j'ai une vraie télévision avec une flashcard. Fait qu'on va être bons chacun pour jouer au jeu de l'autre. Et puis, ça sera des courtes critiques là, de 5 minutes. Oui, mais ça nous fait bien plaisir de parler de tout ça. On est bien excités. On est bien excités. Nommez un autre podcast qui parle de ça. 2026, qui Québec. Vous parle des jeux de télévision? Qui parle des affaires que personne ne veut savoir? Personne. Qui vous parle de record du monde d'Atari à ce temps-ci? Absolument. Ben écoute, à toi d'ouvrir le bal. Donc, le premier jeu d'homme ce soir sera Pinball sur Intellivision. Yeah. Mesdames, messieurs, Pinball développé par Mattel. Donc, Mattel qui était les développeurs de l'Intellivision en tant que tel. C'était un jeu de départ. On a une petite question dans le chat en même temps. Ah, c'est Mr. Super... ColecoVision Phoenix. Oui, la ColecoVision, la Phoenix, est une console faite par Collector Vision, compagnie entre autres québécoise. Je dis entre autres parce qu'il y a des membres aussi aux États-Unis. Ouais, ouais. Et puis, moi, eux, ils ont fait des consoles Coleco, FPGA, man, pendant un petit bout de temps. Et puis... Ah ouais, FPGA, je ne savais pas. Ouais. Le segment Papa Vision. Et puis, bref, moi, j'en ai acheté une. Et puis, c'est ce qu'il y a de meilleur pour jouer au Coleco, bien sûr. Mais ces machines-là qui se détaillaient à genre 200-300$ à l'époque, que Collector Vision les distribuait, sont maintenant autour de 1000$. Alors, à peu près, là, sur eBay, j'ai regardé vite. Comment ça, c'est cher pour du Coleco? C'est cher pour du Coleco, mais t'as pas meilleur, tu sais. Puis tu peux brancher une genre de manette Super NES dedans, tu sais, c'est le gros kit. Fait que... Michael qui dit segment pour rendre notre CEO heureux s'il parle en française. Exact. On rappelle que Michael travaille chez les excellents Atari. Exact. Alors oui, ça vaut la peine si tu veux payer le prix, là. Fait que vas-y, Jeff. Je vais reculer mon segment. Parce qu'il y avait de quoi au début, je l'ai montré. Voilà. Oui, c'est ça. Puis ce qu'on venait de voir, là, je voulais qu'on en parle. Oui, fait que c'est Pinball. En fait, c'est l'ancêtre de Pinball au NES, un peu. Je pense que c'est un des premiers Pinball. Il y a eu l'Atari. Oui, mais c'est un Pinball très rustique. Donc, il y a deux flippers de chaque côté, à gauche et à droite, là, dans le milieu de l'écran, dans le bas. Puis il y en a aussi en hauteur. Il y en a aussi avec en hauteur. Un total de 4. C'est ça, je viens de dire qu'il y en a 4, oui. Ah, t'avais dit 2. Ah, j'avais dit 2 de chaque bord peut-être. En tout cas. Mais ah, oui, deux de chaque bord, excuse-moi. Donc oui. voilà. Excuse-moi, c'est les goofballs qui viennent d'embarquer. Là. C'est très simpliste. Je regardais le design de ça, puis je me disais que c'est une face d'un bonhomme. Là. Moi, j'ai vu vrai. Comme un robot, puis en haut, on dirait que tu rentres dans son cerveau, puis t'as 3 tables dans ce jeu-là. Fait que tu peux warper 2 fois. 2 fois, Chris. Quand je réussissais à warper une fois, quand je manquais à appeler ma mère tellement j'étais content. Quand je réussissais à pas tomber ses côtés à chaque fois. On fait rien que tomber tout le temps. C'est un peu difficile pour vrai, là, le jeu. Là. Mais non, maintenant, tu fais une combinaison, je sais pas comment, mais là, tu débloques en haut un genre de petit warp là, oui. Qui t'amène dans un autre. Moi, non, j'ai compris que tu vas dans le cerveau du robot là, dans lequel tu joues en ce moment. Là. C'est un peu le nom que j'ai interprété. Puis après ça, tu peux débarrer ça aussi dans le deuxième niveau pour aller à un troisième. Fait qu'il y a moyen de se déplacer de table en table. Là. On y va là. Après, il s'en va dans la deuxième table. Puis là, dans la deuxième table, c'est très long. Il y a comme un gros son. Ouais. Là, t'as une petite pince là, que tu peux aller te faire ramasser. Mais tu peux aussi débarrer. Tu peux écrire en haut pinball, là, comme on voit, là, ce qui est très bien. Puis je pense que quand t'écris pinball au complet, ça ouvre un autre warp. Là. Ah, ça doit. Moi, oublie ça. Là. Quand je t'arrive là, j'avais de la misère. Lui, il est bon. Là. Il est en train de tout faire. Puis là, il y a des petits bonhommes en haut à droite. Puis là aussi, il y a encore 4 flippers dans celui-là, mais 2 collés à droite puis 2 distancés à gauche. Ouais. Fait qu'il y a comme de la variété. Là, et si sur la manette des télévisions, tu vas jouer avec les boutons de fire sur le côté. Fait que tu peux en avoir un qui va faire juste sur de droite puis juste sur de gauche, ou tu peux faire les 4 en même temps avec le bouton du haut. Exact. Exact. Fait que ça va bien, là. Tu prends tous les boutons, en fait. Ouais, exact, là. Fonctionne, là. Tu squeezes ta manette, elle craque un peu, là. T'as... Il va-tu le faire, lui? Oui, il sera au troisième niveau. Ça ouvre, là, puis il se rend dans un autre niveau, là. Ah, ouais, je veux le voir, je l'ai jamais vu. Oh my God, hey. Puis là, c'est assez deep, là. Oui, puis t'as quand même un autre layout de bumper en ce moment, là, que t'avais pas dans. C'est différent des autres. Absolument. T'as-tu vu, là, il glisse sur le. Genre, sur la tu vois, c'est bien, ça. Puis on dirait qu'en haut, c'est un genre de boss ou quelque chose, ou je sais pas quoi, comme une plateforme à diamant. C'est vrai. Avec un diamant qui va dropper, ou je sais pas quoi. Ou c'est le cerveau, je sais pas. Fait que si vous pensez à pinball au NES, vraiment, ça, au niveau... Ça y ressemble beaucoup, tu redescends quand tu tombes, mais il y a un niveau de plus que tu peux monter, là. C'est vraiment très bien, puis tu peux jouer à ça à 2, donc c'est pour ça qu'il y a des chiens en bas à gauche et à droite, là. Ah. Le petit chien à gauche, il flash parce que c'est le player 1 qui joue. Si c'est le player 2, ben ça va être le player 2 qui va flasher. Ah oui? Ouais. OK, j'avais jamais remarqué ça. Et puis, il y a pas de musique dans le jeu-là, juste des blip, blip, blip. Même pas d'Intellivision Voice, d'Intellivoice qui dit pinball, rien. Rien de tout ça. L'écran vert marqué pinball, ça part. Exact. Tout ce qu'on aime, là. Mais pour... tu peux des fois débarrer des stoppers à genre à trous là, tu sais, c'est... Oui, oui, oui, exact. Des petits warps. Pour vrai, c'est très complet là, pour un jeu de pinball de cette époque-là. Ouais, exact. De, on parle de quoi? 1981 dans ce quelque chose de même, là, tu sais, c'est fucking complet. Là. Quand tu regardes le pinball sur Atari, qui est quand même super le fun à jouer, mais qui est juste un carré très vaste là, et vide. Là. Alors ça, c'est vraiment bien. Là. Hey, le gars, il est en train de ramasser à gauche toutes les coches. Là. Hey, il était sur sa première balle encore. J'ai de la misère à me rendre une fois à gauche en haut. Là, ben c'est... oui, moi aussi. J'en enlève une, puis j'appelle mon père. J'ai trouvé que la physique de la balle était super bien. Là. J'ai pas eu de problème avec les bumpers, la balle. C'est juste difficile parce que c'est carré, puis c'est tough. Tu sais, le gap là, à gauche où que le bumper d'en haut, là, c'est un gros gap. Là. Ces gaps-là sont un petit peu gros. Tu peux aussi bumper la table. Tu peux la faire shaker. Je pense jamais de le faire, par exemple. Tu utilises le disque pour shaker à la table, puis il n'y a pas de tilt. Non, t'as pas. Tu peux la shaker tant que tu veux, puis je pense que ça devrait être encouragé de le faire. C'est probablement ça, la technique pour pas tomber ses côtés, j'ai l'impression. En effet. Toute la profondeur de jeu de pinball. Là, c'est... Ouais. Et voilà, c'était Pinball sur Intellivision. Il y a Snoopy en haut à droite. Oui. C'est un chien. Là. En haut, il se tient debout là, dans l'écran numéro 2. Donc, bon petit jeu que j'avais jamais vraiment essayé, JF, mais quand tu m'as dit que c'est dans les premiers que j'ai essayé, puis j'ai fait « Oh, c'est le fun ». C'était ça, là. Ouais. Très bien fait. Alors, moi, je vais enchaîner avec un jeu de Atari 2600 qui s'appelle Dragster. Oui, monsieur. Et j'ai un petit peu de lore là-dessus, puis toi aussi, t'en as. Alors, ça, c'est le premier jeu que Activision ont fait. Donc, quand le monde a quitté Atari, puis ils ont dit « fuck you ». Ils ont fondé Activision, et puis ça, c'est le premier jeu qu'ils ont fait en 1980. Et c'est fait par David Crane, le légendaire. Pitfall, ça. Qui a fait Pitfall, entre autres, puis après ça, qui a fondé Absolute quand il est parti. Et puis, il s'est inspiré de l'arcade Drag Race. Alors, je suis allé voir c'était quoi cette arcade-là. C'est pas tout à fait le même concept, mais c'est ça. C'est un jeu de drag, là, dragster. Là, mais c'est quand même différent. Mais on sent l'inspiration. Alors pour ceux qui ne voient pas, là, c'est une course de deux voitures. Là, player 1 en haut, player 2 en bas. Là. Ouais, ben là, c'est ça. On va arriver au gameplay maintenant. Tu as un écran splitté en deux horizontalement. Puis là, bon, la personne joue tout seul, fait que le char d'en bas avance pas. Puis à deux, ça doit vraiment être le fun. Ouais. Les parties durent 6 secondes. À peu près. Si t'es bon 6, t'as de la misère 7, 8 secondes peut-être. Exact. Puis David Crane disait, c'est le jeu, ça, que les games sont le plus courtes, mais qui va te garder accroché pendant des heures. Pour vrai, il a raison. Là. Genre, au début, j'avais de la misère. J'ai dit, ah, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'ai comme poussé. Tu me dis que tu vas le faire. C'est probablement moi le problème, c'est pas le jeu. J'ai commencé à comprendre comment ça marche. Et c'est très le fun et addictif. Là. Ben oui, c'est très simple. T'as rien qu'à avancer. C'est un jeu de shifter, dans le fond. C'est que t'as deux boutons. Là. T'as le stick qu'il faut que tu tasses à gauche pour shifter, puis t'as le bouton pour avancer. Exact. Fait que tu commences à. T'as un décompte qui tombe de 4 à 0. T'es au neutre au début. Là. T'es au neutre. Puis ça, si tu shiftes tout de suite, ça chie. Ça chie, fait que faut que tu shiftes immédiatement quand le décompte arrive à 0. Fait que là, t'as un timing. Pour avoir un bon départ. Faut pas que tu tiennes ton gaz quand tu shiftes, sinon t'étouffes ton moteur. Ouais, c'est ça. Tu fais sauter ton moteur. C'est ça, là. Fait que là, en même temps que tu pèses sur le gaz, t'as une ligne verte qui devient rouge. Elle devient rouge très vite, c'est à la première vitesse. Fait que là, c'est toute une question de shifter au bon moment. Ouais, ouais. C'est un game, c'est ça. Tu shiftes 4 fois pour faire la distance le plus rapidement possible. Simple de même, tu sais. Exact. Et puis, mais c'est simple à dire, c'est simple quand on le dit. Ben, c'est simple à faire aussi, mais là, deviens fou. Là, tu deviens fou parce qu'à chaque fois, c'est des millisecondes, c'est des fractions de secondes que tu joues là, juste avec comment tu vas faire ton départ puis tes chiffres de gear. Là. Exact. Puis quand tu pèses à droite, ça reset. Ouais. Fait que là, très vite. Fait que très vite. T'as pas besoin de te lever, peser reset sa machine. En 30 secondes, t'as joué 5 games. Là. Exact. Puis tu peux reset n'importe quand. Ouais. Là, fait que t'es comme, ah, fuck, non, reset. OK, là, j'y vais. Ah non, mauvais départ, reset. Okay. Oh, ouais, puis là, t'es comme, OK, là, c'est un bon départ. C'est très addictif. Ah, man, j'ai pas réussi mon temps. Reset. OK, là, tu sais, puis là, tu vis. C'est quand même fou. Tu deviens cinglé de même, là, tu sais. Fait que, ben là, c'est pas addictif, tu sais, comme c'est pas God of War, là. Ben, ouais. D'ailleurs, on va le dire tout de suite, pour les segments Atari Vision, là, on est comme super dedans, puis on est craqué, puis quel beau jeu de pinball, quel jeu de dragster qui te garde en haleine pendant des heures. Ouais, mais tu sais, c'est comme quand j'ai critiqué Earthion, puis qu'on n'en pouvait plus de regarder le background en 8-bit. Vous connaissez le niveau, là. C'est ça. Là, genre... On va un épais, là, mais fâchez-vous pas contre nous autres. On veut pas épais de tant que ça. On a du plaisir pour vrai. Là, on est enthousiaste. C'est ça, là. On est enthousiaste. C'est ça. Puis c'est important. Et puis, tant que le gameplay est bon, c'est... Pour moi, ça fait la job. Là. Exactement. Et ça, le gameplay est très bon. Oui. C'est spécial. C'est un petit jeu. C'est une expérience de quick test. C'est pas un jeu. Mais il y a quand même une grosse controverse autour de ce jeu-là par rapport au record du monde dans le livre des records Guinness. Savais-tu ça? Non, ben, vas-y, parle-nous-en. Début des années 80, il y a Todd Rogers qui aurait fait le record du monde de 5 secondes 51 millièmes, en fait, là, 5,51 sur ce qu'on voit là. Et pendant 30 ans, ça a été homologué comme le record du monde. Jusqu'à temps que du monde se mette à se pencher sur ça. Puis il y a des gens qui ont comme regardé le code, puis comment c'est fait, puis ils ont dit c'est impossible que tu aies fait 5,51. Puis lui, il dit là vraiment, mais je l'ai fait en 80 plusieurs fois, à telle place, puis finalement, ils ont retiré le record du monde parce qu'ils peuvent pas prouver que ça a été fait vraiment selon les règles de l'art, puis ils savent. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de photos de ça, tu sais. Okay. Pendant longtemps, ça a été ça le record, mais. Il y a plus de... C'est-tu archivé chez Twin Galaxies, ça? Je pense que oui. Probablement, ouais. C'est exactement ça, oui. C'est eux autres qui prenaient ça à l'époque. Puis après ça, les gens ont réessayé de faire le record du monde, puis tout le monde fait 5,61. OK. Puis personne n'est capable de dépasser celui-là. Fait que c'est ça qu'ils ont fait comme ça marche pas, là, que lui... Puis lui, c'était combien, t'as dit? 5,51. Il y a un dixième de seconde de moins, là. Hey, man! Dixième! OK. Mais c'est ça, fait que ça, c'est la controverse à l'entour de ce jeu-là. Fait que c'est un jeu un peu connu pour ça, là. Bon, ben, écoute, les gens à la maison, vous savez quoi faire. Vous pensiez pas ce soir entendre parler de Dragster et de record du monde sur Dragster ou Atari. Qui, en 2026? Hey, non seulement ça. Mais voyons donc. On a même une copie physique. Attends, qu'on peut présenter. Je vais aller sur ici. Voyons, tu sais. Je vais sur les pitons. Ben, j'ai même amené ma copie physique pour vous montrer de quoi ça a l'air. Alors, c'est pas beau ça? Ma boîte est un petit peu maganée, là, mais mon label ici est beau, il est pas taché. Alors, voici ce que c'est en physique. Je sais pas si ça vaut cher, ça. En fait, je pense pas. Là, c'est un petit jeu Atari pas cher. Là. C'est rare que sur la pochette d'un jeu d'Atari, c'est exactement le jeu d'Atari. Ouais, c'est vrai. Avec le temps, ils se sont mis à beurrer un peu plus. Mais Fingercut, il dit même avec un AI, la Perfect Run est 5,61. Wow! Ah ouais, c'est ça que l'AI dit. L'AI est capable de jouer à ce jeu? Je comprends pas. Ben, il doit avoir genre comme. J'imagine qu'ils veulent dire que tu peux rouler le jeu avec le code des inputs aux bonnes places, tu sais. Ok. Tu peux pas forcer plus que quand c'est exactement zéro que tu pars, tu sais. Ouais, c'est ça. On dirait deux escargots comme le film Turbo. Hey boy, ouais. Wow! Peut-être l'inspiration de. Oui. Oui. De Turbo ou l'inverse? Turbo. Ah, puis ici, on a des faces, là. Alors, voici David Crane dans toute sa splendeur. Hey, toutes des légendes, hein, ça, en passant, là. La coupe bol. Alan Miller qui a fait... Ils disent tout. World Leading Designers of Video Game. Fait que tout du monde, ça a poudre, ça, qui ont fait des grands jeux, toutes là. Des divas, ça a poudre. Des divas, ça a poudre, en Chopper Command, tout ça. Ah, oh, wow. Puis là, à l'intérieur, j'ai même tous les badges Activision et sites, là. T'sais. Comment tu voulais pas exciter le monde avec ça, là, à l'époque? C'est beau, c'est propre. Tout ça, achète-toi tout ça, là. Ben oui, skiing. Chris, j'ai jamais joué à Grand Prix. Hein. J'ai jamais réalisé que j'ai jamais joué à Grand Prix. Fait que, voilà. Tout ça est du pur bonheur. Du pur bonheur. Incroyable. Fait qu'on a maintenant un nouveau segment pour... se vider le cœur sur ce qu'on aime. Exact. Alors, c'est tout pour ce premier segment Atari Vision. Exact. Les affaires se passent. Il est quelle heure, là? Il est 9h12. On s'en va à la musique. Ben... Alors, Glovas dans le chat qui dit que ça lui donne le goût de s'acheter une Atari, tout ça. C'est ça l'objectif, mon ami. C'est seulement des publicités camouflées pour RetroMTL, tout ça. Qu'on vous fasse virer fou. Non, on adore ça pour rester. Mal. Alors, on y va sur Instagram pour commencer. Instagram. Sur le Instagram avec la belle qualité qui est de retour. Et non Isabelle Qualité, comme on a déjà dit. Bonsoir, messieurs. Selon vous, quelle console fait le plus mal à se faire pitcher en arrière de la tête? C'est une drôle d'idée. Ben, toutes les consoles qui sont pas arrondies, c'est sûr qu'ils doivent faire plus mal que les autres. Là. Genre une NES, tu pognes le coin dans le bout de la tête ici. Là. Ouais, c'est ça. Ben, aussi l'Xbox OG, là, c'est très pesant. Là. D'après moi, même vélocité, rapport, vitesse. Ouais, Virtual Boy, il y a beaucoup de places qui peuvent te faire mal en même temps. Ah oui, c'est vrai. S'ils te lancent tout le kit, tu peux te crever un œil en même temps de te bosser à la tête. Et j'avoue, là, ça peut être intéressant de recevoir un Virtual Boy. La PS3 Fat. La PS3 Fat, en effet, ça avec, ça rentre dans un tof. Alors, prochaine question, un petit peu plus sérieuse, celle-là, pense. Si c'est pas sérieux, on rira de lui. Il est dans le chat. C'est Steph Talbot. Ouais, salutations. Ouais. Hello. Beaucoup de consoles sont souvent mentionnées, mais j'ai vaguement entendu parler de l'Amiga à l'émission. Console qui, semble-t-il, a eu une grande popularité en Europe. J'aimerais savoir si vous avez déjà testé une de ces consoles et quelles sont vos impressions sur ces machines. Bien, mon cher ami, j'ai jamais joué à l'Amiga sous aucune forme. Ou peut-être dans un WEG. À un moment donné, Ellie a branché une, là, ou je sais pas quoi. Wow, il se passe des choses. Ça s'en vient. Mais ça, c'est l'Amiga, comme on le mentionne, comme on le voit à l'écran, est un ordinateur. Oui. Mais il y a eu une console Amiga aussi, j'ai oublié le nom, là, puis ça a vraiment pas toffé longtemps, puis c'est très rare. On la voit là, c'est la CD32, une console CD, c'est quand même tout qu'un appareil, ça, mes amis. Et puis non, pour être franc, j'ai comme l'impression que c'était en effet vraiment plus répandu en Europe. Moi, je connais rien, puis j'ai jamais joué, ou genre une fois ou deux, avec des Amiga, des ZX Spectrum, Atari ST et toutes ces affaires. Là, je m'en vais bientôt. Là. C'est le prochain step. Là. Hey, man, un Atari ST, ça serait beau. Là. Le CD32 que Michael dit. Basé sur l'Amiga 1200. Alors, voilà. Il n'y a pas sorti une petite Commodore 64, là, le clavier, puis tout récemment. Là, ben oui, la Commodore 64 Mini, ça existe. C'est là, nice. Là, tu peux acheter ça, en effet. Tout puis, ça s'en vient, ce métal. Et l'Atari 400. L'Atari 400 aussi, là, mini, existe. On va explorer un peu le on les télévisions et l'Atari avant. C'est ce qu'on fait. Fait que, désolé, chef, on peut pas répondre plus que ça. Merci un bison qui subscribe. Oui, un bison qui est là. Merci beaucoup. Qui est souvent le premier like sur YouTube. Il en fait son honneur. Oui, c'est... Et c'est pas le mot que je cherche. Non, moi non plus. Je m'allais dire cheval de bataille. C'est pas ça non plus que je cherche non plus. Ah, c'est ça. En tout cas. Mais aussi, il écrit souvent ça, Monsieur Bison. Il est dans la base avec leur programme d'éducation en informatique dans les années 80. Merci, Globas. Ah, c'est ça. La Commodore 64 Ultimate aussi pour l'expérience FPGA. Oh, my God. Michael va me coûter cher. Ouais. Michael. On va l'inviter sur le spectacle. Ben oui. Il vient de nous parler de ça. C'est le fun. Oui, un bison, un homme de peu de mots. C'est un bison, ben ouais. Après tout. Les Frechette Bros dans la place, on commence avec Antonin. Frechette Antonin. Salut les gars. Go. Avec mon analogue NT, j'aime bien découvrir et terminer des gems NES. Nice. Toi qui connais très bien cette console, peux-tu m'aider à compléter mon panier Retro MTL? Il me manque encore quelques jeux pour pouvoir profiter de l'excellente promotion de 100$ et shipping inclus. PS, Kid Clown me tente en maudit, mais j'ai déjà acheté Snow Bros pendant le Boxing Day. Bonne soirée. Oui, j'avais vu que tu avais acheté le Snow Bros, puis j'étais bien content pour toi. Très bel achat. Là, je sais pas si tu veux que j'aille voir ton présent panier dans Shopify. Moi, je peux pas. Ah, tu peux pas? Ben, je pense pas que je peux faire ça, voir les paniers peut-être des clients. Je sais pas, j'ai pas été voir Shopify à ce point-là. Fait que c'est ça. Ben, tu pourrais. En tout cas, faudrait que je voie, là. Ouais, mais voici qu'est-ce que je vais faire. Je vais aller sur le rutilant nouveau site web de Retro MTL qui vient de l'année passée. Je vais aller dans... Tu marchais bien. Je vais aller dans Nintendo, console de salon. Je vais cliquer sur NES. Je vais appliquer un filtre de prix de 0 à... de 0, dis-je, à... 5000. Non, il faut que ça fitte dans son panier de 100. Ah! Fait que... Oh, c'est dur. Ah, je peux le taper? Ouais. De 0 à 30$. Je vais mettre 35. Comme ça, on va pogner les jeux à 34,99. Fait que là, OK, j'applique ça. Et que c'est bien fait, ce jeu, ce site-là. Alors... Ah, merde. Je vais rajouter des filtres parce que là aussi, ça me sort des livrets et tout ça. Alors, je vais aller par type de produit et je vais faire que jeu. Il y en a 200, 203. Ah non, je vais appliquer un autre filtre. Ah, mais en effet, trier par. Non. Il va falloir avoir une affaire qui capture ton sel pendant que tu es dessus et qu'on le mette à l'écran. Ah ouais, hein, mais il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, Mario Bros 2, Mario Bros 3. Il y a 11 pages de même, on lâche pas. Page 2. Deux bons jeux. Tennis, quand même le fun tennis. Tennis, ouais, c'est bon. Lunar Pool. Un carré classique pour nous. Hein. Oui, c'était carré. Si t'as un zapper, tu peux essayer Cabal. C'est quand même pas pire. Yonoid, classique, difficile quand même. Prépare-toi à manger de la pizza. Exact, oui, à passer beaucoup de temps à manger de la pizza. Crime, on a-tu. Si tu collectionnes les variants, on a un Roger Clément Baseball, dont il existe deux Roger variants. Roger Clément. Roger Clément. Roger Clément. Ouais, j'aime ça. Ah, il y a Silk Worm à la voyons, au NES, qui est un jeu que tu peux soit un genre de shmup que tu peux jouer un hélicoptère ou un petit buggy au sol. Puis quand tu joues à deux, chacun a un de ces véhicules-là. Dune buggy. À 35$. Donc ça, c'est pas pire. Et Mission Impossible au NES, tout le monde boude ce jeu-là, puis moi je l'ai acheté quand j'étais jeune, je comprenais rien, puis finalement je l'ai fini, je me suis mis le temps, puis j'ai apprécié quand même. C'est ça qu'il faut faire. J'ai apprécié ce jeu-là, man. Snake Rattle and Roll, funny. Si tu veux un classique, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, parce qu'on rit de ça, tout le monde, parce que les Angry Video Game Nerd rit de ça continuellement. On a un Ninja Gaiden 2. Il doit être magané par contre à ce prix-là, mais bien sûr, Antonin doit déjà en avoir un dans sa collection. Top Gun, non. On a presque fini. On est rendu à la page 9 sur 11. On a de Zelda 2, mais magané. Breakthrough, jeu de Tataïs. Convenable là, pour un petit jeu à genre 10$. Là, tu le finis. C'est pas pire. C'est pas pire. Bientôt au podcast, le spécial Tataïs. Exact. Skate or Die 2, un de mes grands coups de cœur, mais je vous avertis, genre, probablement il n'y a qu'une personne au Québec qui aime ça, puis c'est moi. Les Skate or Die. Oui, deux. Super Sprint, si vous collectionnez ou vous voulez des jeux, vous êtes d'accord d'avoir dans votre collection des jeux Tengen ou qui sont unofficial, qui sont pas Nintendo, Super Sprint est vraiment le fun. Un jeu d'Atari d'ailleurs. Ou est-ce que tu fais juste drifter comme une nestie de malade? C'est très, très arcade. C'est vraiment bon. Rush and Attack. J'ai peut-être trouvé ça dur puis pas si le fun, ce jeu-là, mais c'est un jeu que je veux me mettre un jour à grinder pour le finir. Pour vrai. POW, P-O-W, Prisoner of War. Très bon beat'em up, ça. Ouais. Souvent que le monde n'essaye pas, là, mais très, très bon. 1943, excellent shmup, je trouve. Là, vraiment, il en donne beaucoup pour son argent. Plus que 42, là, oui. Wizards and Warriors, c'est super le fun ce jeu-là, puis ça se finit. Le premier, le deuxième, puis le troisième, j'ai jamais joué, mais le premier, il est vraiment fun. Et on finit ça avec Bayou Billy, que tout le monde a besoin d'avoir dans sa collection. Ben oui, juste parce que. Parce que, c'est ça. Fait que voilà des idées, mon ami. Mathieu Deschamps, quelle est, selon vous, la meilleure manette de console rétro? Ça, c'est drôle. Il me semble, à Rétro Nouveau, on a tellement souvent fait des affaires de manettes. Hein? La manette de console rétro. La Super NES, elle est dans les top pour moi. Là. Ah, oui, absolument. efficace, très complète. Mais j'ai pas beaucoup joué, moi, au 64, au GameCube. Mais sur les 4, la manette, elle est vraiment pas dans les meilleures. Ouais, c'est ça. GameCube, il y a du monde qui adore, il y a du monde qui trouve ses cons. Ouais, j'allais chez nous, mais j'ai pas joué beaucoup avec. PlayStation 2, là, tu sais, c'est un Ouais, classique. Ben là, c'est PS2 à mon temps, ça devient les classiques PlayStation, là. C'est le nouveau format, mais c'est pas tant rétro, là. Mm. Mais oui, ça l'est, en même temps, PS2. Mais là, c'est quoi la question? La meilleure manette de console rétro? Tu sais, c'est pas genre les réimaginations et pas la télévision, en tout cas. Ça, c'est... Ah, la Saturn, quand même, c'est une bonne. Oui. Je la trouve très légère, mais son fil est ronde, là, qui a inspiré la manette Dreamcast après, d'ailleurs. Mais je trouve le câble de la manette Saturn très gros. Puis elle est tellement gros que si tu tiens le câble dans tes mains, il est raide. C'est comme si ça tenait à la manette, tu sais, comme un suçon, là, je sais pas comment le dire. Ouais. Tu sais, il y a comme un débalancement de poids de manette versus robustesse du câble que je n'aime pas beaucoup. Fait que, mais sinon, moi, NES, je peux jouer avec une manette NES longtemps. Là, j'aime beaucoup ça. Tom Fritchette, le frère de l'autre, comme on dit. JF, quels sont tes prochains jeux pour ta 7800? On va voir ça tantôt, on va aller regarder en arrière. Je sais pas, c'est... 7800, on n'en a pas bien, bien, par contre. Ben ouais, ben pour ma 7800, mais ça peut être des 2600 qui vont jouer dans ma 7800, là. Y en a-tu un, là, que... Ben, Burger Time, ça m'en prendrait un qui fonctionne à ma nez, là. Quand... J'avoue. Peut-être qu'on en a un ici, là. Ben, voir, là. Regardez ça. Mais j'ai pas autant été checker la collection. J'aimerais ça avoir des classiques qu'on parle beaucoup, genre Plaque Attack, des jeux comme ça, là, mettons, juste parce que je les veux, là. Ouais. Mais j'ai pas rien encore de Target sur Atari, là. Parce que je suis tellement dans l'intellivision de ce temps-ci chez nous. Là, ouais, là, c'est ça, là. Avec la belle manette. Écoute, vous découvrirez ça. C'est à voir comment je suis vaché chez nous avec mes manettes Bluetooth de la télévision, là. C'est clair. Dom, penses-tu faire un Switch pour la 7008 ou tu aimes mieux le look de la 2006 pour ton enfance? Moi, j'ai une 7008 chez nous, en fait, originale, parce que ma blonde, ça va bientôt faire 22 ou 23 ans qu'on est ensemble, pas était une pauvre personne qui a reçu une 7008 à Noël à la place d'une NES, parce que c'était moins cher, et puis elle l'avait. Fait quand on a commencé à sortir ensemble, j'ai appris ça. Tu sais, je suis comme, hey, toi, t'as une 7008, on peut-tu l'amener à l'appart? T'sais, j'aimerais ça l'avoir. Fait que l'amener, puis c'est la 7008 de l'enfance de ma blonde que j'ai chez nous, que j'ai faite modder par notre ami Sensato. Ouais. À un moment donné, Sensato, vous pouvez voir sur Twitch, très cool guy, qui modait des consoles quand même beaucoup à une certaine époque. Mm-hmm. Puis il me l'a modé pour qu'elle puisse faire du composite et du S-Vidéo. Ah, ainsi, bon. Quand je la branche en S-Vidéo dans ma rutilante Toshi Bourret, là, c'est beau, comme... Beau. Mais j'ai aussi acheté une 2600 Plus pour... c'est cool. Pour jouer sur du... D'un coup, TV aussi. Exact. D'un coup, on va au chalet, j'ai besoin d'amener ça. Mais j'ai pas acheté la 7800 Plus, par contre, parce qu'elle fait exactement la même affaire. T'sais. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Fait que voilà ce que j'ai. Glovas, qui est là. Drette là. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, le développement de jeux vidéo va devenir plus accessible. Y a-t-il un concept de jeu que vous aimeriez développer? Hey boy. Ben, ça s'arrête-tu là, la question? C'est... Ben, toi, ouais. Moi, ben là, c'est tu serais capable de faire des jeux. Là. Ben, j'ai essayé, j'ai fait des petites affaires à Playdate puis à Pico 8. C'est pas ce que je programme dans la vie, mais je suis un programmeur, je pourrais apprendre à le faire. Avec le AI. Avec de l'AI, je pourrais aller vraiment plus vite parce que je comprends les concepts assez pour y faire coder. Ouais. Moi, j'ai tout le temps... On a parlé quand c'était le Garden Party, mais la chaise galerie, ça serait tellement un schmop qui descend sur l'eau, là, que genre, quelque chose à faire. Je pense. Là. Ah ouais, c'est vrai. C'est un concept qui est à exploiter, là, mais ouais. Mais oui, c'est sûr, là, c'est pour n'importe quoi, l'AI, ça peut t'aider dans plusieurs facettes, y compris le code, la programmation. Là. Ben ouais, c'est ça, je t'ai envoyé ça aussi dans le temps des fêtes, Lovable, qui est comme c'est de l'AI qui développe des apps, comme qui sont hostées en ligne, puis tout, là, genre en une demi-heure, ils développent une application. Google aussi, là, ils ont anti-gravité, là, moi pis lui, on gosse là, la job là-dessus, des affaires, parce qu'on est comme sur le team de AI là, en ce moment, fait qu'on regarde plein de trucs, puis tu lui dis genre, fais-moi ça, puis genre, il te fait un logiciel, là. OK. C'est malade. Bon, peut-être pas en prod direct. Là, faut peut-être que tu regardes un peu en arrière parce que là, il y a peut-être des failles de sécurité dans tes logiciels. Genre, va pas distribuer, mais pour faire des trucs. Puis c'est ça que ça va amener aussi, c'est que les outils deviennent accessibles à tout le monde maintenant. Là. Exact. Genre, toi, tu pourrais créer un jeu avec des prompts. Là. Oui. Après ça, l'histoire de genre, la valeur, la dépense d'électricité, puis tout ça, c'est un autre débat, mais oui, là, c'est. On est rendu là. Là. Mm. La creation de l'asset 3D ou 2D va devenir facile. Effectivement. Ben, Glovas dans le chat qui parle, c'est ça, d'asset. Oui, tu sais, on en parlait. Où est-ce qu'on parlait de ça? Je sais pas quoi, pour de la texture, tu sais, je veux dire, fine. Là. Si, si c'est de la job de bras, ça, faire de la texture à un moment donné, parfait. Là. On va passer moins de temps à faire de la texture, moins de budget. Ou si je fais. Et on va mettre plus d'argent à sa créativité. Là. Ou si je développe un jeu pour le fun puis que je t'en. Pico 8, puis je veux avoir un beau sprite, fais-moi un sprite, ça se peut, là. Exact. Ça se peut très bien. Ou fais-moi un background d'étoile. Ouais, exact. Puis tu y vas avec ça, puis tu le peaufines après, je sais pas quoi, là, tu sais. Mais est-ce que, tu sais, moi, je crois pas en le AI pour remplacer un pour un une œuvre, tu sais. Non. J'ai tout le temps vu le AI comme un outil qui accompagne, et puis même pour de la conception graphique. Je le fais pas parce que faudrait acheter le pro, là, puis tout ça, puis je l'ai pas. Ouais. Mais tu sais, comme. Et ça aide au niveau des maquettes, là, ça accélère le processus de maquette là, grandement. Là, fait que, veux, veux pas, ça va aller vers ça. T'sais. Mais est-ce que ça va remplacer un pour un tous les artistes? Non. Zéro, là. Ça peut pas, là. On a pas, peut pas, là, tu sais. On a une créativité que le AI aura jamais, là. Mais oui, c'est des outils pour moi aussi. Un peu comme, tu sais, comme le Magic Wand dans Photoshop qui t'a... C'est un peu du AI, ça, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, quand j'étudiais en design au cégep puis même à l'université, pour s'inspirer, on allait à fucking bibliothèque. Donc, on prenait des livres de design, monde qui ont designé des choses. Puis, on regardait ça, on s'inspirait. Puis, on copiait pas, mais on s'inspirait beaucoup. Tu sais, des fois, tu es comme, oh, quel mouvement intéressant, puis tout ça. Comme aujourd'hui... comme 30 ans plus tard. C'est exactement la même affaire qui se passe, là, sauf que tout ça se fait en ligne. T'sais, moi, en tant que designer, que j'aille sur Behance ou Pinterest à regarder ce que les autres ont fait de beau pour m'en inspirer, ou que j'aille à la bibliothèque, ou que le AI le fasse à la vitesse grand V pour me le montrer, et ça, c'est exactement le même procédé. Là. Juste en accéléré fois 1000. Là, tu vas pas faire ta job. Tu vas faire la job plate de recherche qui prendrait beaucoup de temps. Tu vas t'accélérer tes processus avec ça. Là. Exact. T'sais. Je dis, hey, ça, j'aime beaucoup ce style. J'aime beaucoup ce style. Faut que je fasse une pub de pogo. Je pense à des pogo croisés pour faire des os de pirate avec une tête de mort. Puis, puis je veux que ça soit un cover d'album. Puis voici des albums que j'aime. Tu fais juste promper tout le temps, en fait. Là, puis là, il chie une affaire comme « Ah, j'aime... Ah, il y a eu une idée intéressante avec tout ça. C'est laid. M'a leur faire propre, m'a tweaké. Puis ça y va de même, tu sais. » Moi, je pense que les artistes devraient penser comme ça. Les créateurs visuels, entre autres. Ouais. Musicaux même aussi, tu sais. En tout cas, bref. Simon Pellerin, Simon 9-4 ouais. Au Canada. 9-4. Salut les gars! Est-ce que les franchises comme NHL et FIFA devraient sortir aux 2 ans aux 2 ans et offrir... C'est bizarre ça. Et où? Non. Et où offrir des mises à jour payantes et non au lieu de sortir des jeux quasiment pareils à chaque année. C'est tout le temps ça, là, mais genre ils perdraient de l'argent ben trop, là, probablement. Là. Ben peut-être. Parce que tu pourrais prendre NHL 2019 puis avoir le roster updaté puis c'est la même maudite affaire ou à peu près là, en ce moment, là. Ben ça, tout le monde le dit depuis. Ça fait longtemps, arrêtez de nous faire acheter des NHL puis faut juste s'abonner à NHL en ligne. Moi j'aimerais mieux qu'ils ramènent les NHL sur PC, là, mais genre ils l'ont pas. Là, fait que c'est depuis très longtemps. Ah. Il n'y a pas ça partout, NHL? Non, c'est PS5, c'est pas mal ça. Là. OK. C'est... Bon, écoute. Voilà. Simon qui signait en passant. Simon Pellerin, fonctionnaire fédéral déjà blasé. Compteur de boulons. T'as choisi la facilité, Simon. Là. Des jobs, sti, des cages dorées qu'on appelle. Tu punch in, tu punch out. Exact. Pas de challenge. Tu mets pas ton cerveau à épreuve. T'envoies pas de livres reliés à des podcasts. T'es pas stressé, mais t'es pas malheureux, mais t'es pas complètement heureux. T'es pas motivé tant. T'es pas motivé. Stimulé. Stimulé, c'est ça. Fait que, on est là qu'on le juge ben gros devant tout le monde. Le gars qui nous envoyait des cadeaux à chaque show. Le gars qui nous a donné aussi pour 2000$ de stock de livres. Des mauvais choix de vie. Qu'est-ce que tu fais là? Reviens. Disent les deux gars sur le bord du burn-out, cernés quand tu des bras qui arrêtent pas de dire qu'ils vont se pendre à toutes les minutes. Pour la grimace. T'as-tu vu dans le bye-bye, il y a une belle joke de corde pour, pendant la fin de la pub de Rona? Non. Ils ont fait comme Mike chez Rona qui devient comme dépressif parce qu'il fait juste ça comme rôle. Pendant lui, il est genre. Il rêve qu'il est un employé de chez Rona pour vrai. Puis là, il a un étagère de corde, puis genre il check puis se pend. Ah oui, je m'en rappelle. Ils l'ont mis dans le hub sur Discord. Ils ont mis Jeff était dans le bye-bye, puis il y avait ça. Ah, c'est malade. Ah, j'étais un peu chaud, bye-bye. Je me suis endormi à moitié, j'étais chez nous tout seul. Moi, j'étais en Beauce dans Belle Famille, mais on était juste... Bref, c'était très tranquille. Vas-y. J'ai bu des petites bières. Ah, c'est vraiment BPM Sport, la Clarac m'a fait capoter. Malade. Je le couche, big! Gros, je le couche! C'est une femme enceinte, je la couche, gros! C'était pas mal le meilleur segment. Là, moi, l'autre avec les dents à Gonzo. Là. Ça. Puis le bout après ça avec Morissette puis Théo, il couchait à terre. L'autre, elle a calé son vin. Là. Hey, t'es freezé! Non! Ça, c'était très bon. Ouais. Alors, on est rendu dans Facebook avec Sébastien Trottier. Quel jeu disponible seulement en numérique mériterait une version physique? Sur quelle plateforme vous aimeriez les avoir en physique? C'est Marc-André Nadeau qui dit Graveyard Keeper. Et Kev Boilly de répondre, ça existe et encore dispo chez Amazon, entre autres. Graveyard Keeper. Alors, voilà. Ben moi, c'est tout le temps les mêmes que j'aime. Ah, moi aussi, là. Pain's PS3. Ouais. C'est chose Renegade Ops, qui était au PlayStation 3 à l'époque, en effet. Excellent jeu de Sega. Il y a plein de jeux qui étaient sur genre le store. J'aimerais ça qu'ils fassent Strider. Tu sais, à l'époque, avec Bruno, je l'avais critiqué, ils ont refait un Strider. C'est plus disponible, ça? Ah non? Ben, c'est disponible en digital, mais il l'a jamais eu physique. C'est ça la question? Ouais. Physique? Ouais. Pas de physique, ouais. Puis c'était pas bon, tu sais. Je me suis tanné, mais c'est pas grave. Ouais. S'il le faisait en physique, je l'achèterais, puis je le réessayerais, puis j'aimerais pas ça, mais je me forcerais à le finir. Ouais. Puis ça avait été bien décevant. Il y a un remake de Rocket Knight qu'il y a eu à un moment donné, encore une fois au PS3. OK. C'est ça. Je l'avais critiqué à Retro Nouveau aussi. C'était un Rocket Knight qui avait pimpé. C'était bien. Il y a beaucoup de jeux qui étaient sur DS, 3DS dans le store aussi, qui étaient juste numériques. Il y en avait sur la Wii aussi, là, il me semble. Une coupe, ah, là. Ouais. J'ai pas d'exemple Nix, précis, là, mais... NYX, là. Allez voir ça dans le chat sur Wii ou GF. Ah, oui. Ben, tu peux le faire, GF. Ben oui. Faire Nix Quest, je pense. NYX Quest sur Switch. C'était intéressant. Là, peut-être Switch, sur Wii? Sur Wii. Ouais, ça oui, on se trompe toujours. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Et puis, moi, je trouvais que ça. Il y avait un démo de ça que j'avais essayé. Ah oui, ça me dit quelque là, chose. Je trouvais ça pas pire. C'était du. Je me rappelle plus si c'était du motion, là. Puis, c'était bien fait. Puis là, sûrement aujourd'hui, tu trouverais ça plate à mort, vous allez me dire. Mais pour l'époque, c'était cool. Fait que je serais curieux de réessayer Kindred ça. Kindred Spirits. Kindred Spirits, donc voilà. Voilà, mais, ouais. À l'époque, il y avait eu World of Goo aussi, mais ils l'ont fait en physique, ils ont même fait un 2. Ouais. Alors, voilà. Voilà des réponses. Ben oui. Cher ami. Simon Lahaye, est-ce que le colu de balleux serait un power-up que Doom souhaiterait avoir pendant ses matchs de hockey? Pour que ton balleux se colle sur ton bâton. Ouais. Alors, pour ceux qui ont raté la référence, j'avais raconté une histoire. Simon se rappelle de ça. Ben, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps, puis tu l'avais déjà raconté aussi. Belle lurette à Rétro Nouveau. Là. Ah oui, c'est ça. Hein? Donc, mon ami Maître Clich, avocat. Maître Clich, hein? Et quand il jouait à Arcanoïde, on jouait ensemble. Le power-up de la pilule verte qui fait que la balle colle sur ta barre en bas, puis que ça relance où tu veux. Il appelait ça le colleux de balleux. Ça me reste en tête pour toujours, man. Le colleux de balleux. Puis aussi, il appelait James Bond, GoldenEye 64, il appelait ça blanc. Parce que là, tu pognes un gun, tu dis blanc. Fait que là, hey, on joue ça à blanc, man. Wow. On joue à blanc. Alors, il y avait des bons calls de même. Quand même. Alors, le colleux de balleux est blanc. Alors, oui, j'aimerais bien avoir le colleux de balleux pour coller sur ma palette les rondelles parfois. Donc, voilà. Jason Fleury, à quoi on va jouer en 2026? À la télévision Palatari. De plus en plus. Sinon, j'imagine que sa question est un peu aussi, qu'est-ce qu'on attend comme jeu? Moi, tu sais, je suis pas au courant d'Argent. Moi non plus, j'ai arrêté de regarder les sorties et tout ça. Je les vois quand ils sortent des nouvelles. Comme, ça vient de sortir ou ça sort imminemment, mettons, mais je n'attends rien en ce moment. Non. J'ai un beau backlog à jouer. Là. J'ai, moi aussi. Je vais jouer Turbo Kid probablement bientôt. J'ai Turbo Kid, j'attends. La version physique. Puis là, c'est dans le néant, ça encore. Mais oui, ça sera cette année, moi aussi, certainement. Là. Je vais probablement faire aussi le jeu québécois bientôt là, avec Guinadon qui fait la narration. Là. Papier Julien? Mais ça, c'est ce malice aussi, Papier Julien. Mais l'autre, c'est Calis. Kona, le film, le jeu, en fait. Ah oui. C'est un jeu qui se passe dans le Grand Nord. Puis là, j'ai vu qu'ils ont fait Kona 2, qui se passe aussi encore une fois au Québec, mais dans une autre saison. Fait que je vais regarder ça. Puis c'est encore Guinadon qui fait la narration. Fait que peut-être me taper ça, là. C'est dans mes plans. Excellent. Sinon, moi, il y a Fate aussi, le jeu démoniaque qu'on a joué au WEC. Oui. J'ai eu ma copie physique dans le temps des Fêtes. Fait que je vais m'y mettre, là. Ça va être excellent, ça. Je veux jouer à ça. Ah ouais, c'est là, je suis sur quoi, là, présentement? Je suis sur Marvel Cosmic Attack, le beat'em up de Tribute, là, parce que... Cosmic Invasion, excusez. Ouais. Parce que j'étais crissement en retard là-dessus, à cause de Shinobi, puis j'étais en retard de Shinobi à cause de... Mais Michael qui dit Mortis. Mortis, exact. On demande à quoi tu jouais sur ta top loader. Oui, Mr. Rat, sur ma top loader dans Story, je jouais à Twin Dragons, que j'ai parlé tantôt. T'étais là pourtant. Il demande pourquoi tu jouais pas sur ta NT plutôt que sur le top loader. Je voulais être bien dans mon sous-sol avec mes cassettes puis tout ça. Là, je voulais sortir du salon. Fait que voilà. Jim qui demande si je vais jouer un peu de VR cette année. Oui, d'ailleurs, sur ma liste, au top de la liste, il y a le jeu de Batman qui est sorti l'année passée que j'ai pas fait, là, que je veux critiquer ici. Fait que ça va être sur ma liste. Là. fait partie de mes résolutions de l'année là, de gamer un peu plus. Là, mais les choses vont finir par se placer. Là, fait, excellent. M'amener, là. SSS Frank qui parle de Scott Pilgrim, ouais. De Tribute. C'est vrai, ça sort cette année, ça? Je sais pas. Ça doit, ça doit. Enter the Gungeon 2, what? Hein? Ah ouais, je sais pas. Hein, tu vois, tout ça m'excite beaucoup. Là. Ah ben c'est ça. Il va en avoir plein. On va y payer sur le fly. Mais sinon, moi, j'ai plein de backlog, plein d'affaires de rétro à jouer pour le show. Là. Ah, moi aussi. Puis je voudrais faire du Super NES. Là, genre Sonic Blastman 2, j'aimerais ça m'y mettre. Là. Il a de l'air très complet comme beat'em up. J'y ai jamais tant donné sa chance. Fait que je veux revenir je aussi dans le 8 puis dans le 16 bit un peu. Là. Non, je n'irai pas Battletoads. J'accompagne mon gars aussi qui est en apprentissage de gaming. Là. J'essaie de l'encadrer. Là. Il veut jouer à tout le temps. Là. Fait que c'est... Puis genre, j'ai joué une game avec lui de la télévision sur soccer, le jeu de soccer. Oui, un interminable partie de soccer. Ça finit plus ces jeux-là. Là. Ça a fini 19-18 puis c'est mon gars qui a gagné. 19-18. Yash. C'était le fun, par exemple. Ah ouais. Puis, on ouais, rit beaucoup, là. Lui. On va beaucoup s'amuser avec ces machines-là ouais. aussi. Jean-Michel Racine. Hey, les gars! C'était qui votre lutteur big man préféré dans le temps? Genre Sid, Bam Bam, Bundy? Sid, j'ai déjà rencontré. Ah ouais, hein? Il faisait peur, en vrai. Ah, sûrement. Hein? Il était venu avec PCO, puis Pierre Wallet à un moment donné, dans un show de l'IWS, puis il avait lancé un de mes amis dans la foule du ring, puis j'ai jamais vu quelqu'un voler comme ça, là. mais non, moi, je dirais peut-être Bam Bam Bigelow dans mes préférés, là. Un gros ouais, agile. Il y a une bonne run, un gros agile, en effet. Quand c'est j'étais petit, j'avais très peur de Abdullah the Butcher, là, genre avec sa fourchette. Là, j'avais peur de son front, moi. Ah, c'était dégueulasse, son front. Ah ouais. Lui, il était weird, là. Je l'aimais bien. Mais des big, c'était moins mes préférés, ouais, moi aussi. Quand même. J'aimais mieux les petits rapides, personnellement. Mais. Le 1-2-3 Kid. Exact. Ben sûr. Ouais, moi aussi, j'ai pas tant de big man. Diesel, c'était ouais, nice Diesel, c'est un, à ce c'est moment-là, man, ouais. Mais c'était pas un gras, tu sais. André the Giant, tu sais, moi, ça a marqué mon enfance. Oui, mais là, c'était pas un bon lutteur. Non, non, non, non, mais tu sais, c'était un spectacle. C'est un phénomène, là. C'est ça. Une bête de foire. Alors, Dave Vallée, croyez-vous qu'un jour Nintendo va sortir le troisième opus de leur défunt IP, Star Tropic? Ceux qui possèdent les droits Star Tropic encore? Ben, sûrement, ils l'ont fait. Mais, je pense pas qu'ils ont donné ça à personne. Qui attend ça? Les grands fans, mais je... Ben, tout le monde qui trippe vieux NES. Ouais, ouais. Parce que les nouveaux, les plus jeunes, ils savent pas ce que c'est. Ça, je m'en dis, c'est pas une ben, c'est une franchise dormante, mais c'est pas comme si c'était quelque chose qui était sorti à Switch ou sur la Wii, mettons. Ah, c'est ça. C'est vieux. Après, là, le deuxième sur NES, Zelda's Revenge, il n'y a jamais rien eu. Non. Rien. Peut-être une apparition dans Smash dans le background. Comme un ghost. Ouais, c'est ça, comme une idée, là, rien que pour le lore. Là, mais sinon, rien, personne, pas de rien. Tu sais, c'est le silence radio avec ça. Je comprends pas parce que c'était intéressant. Ouais. Le premier, man, il y a tout un. Il y a une direction artistique vraiment le fun, la musique, le cover, ça boit, tout est chaleureux. Tu sais, ouais, c'était une belle vibe. Tu sais, ils ont vraiment un pogné de quoi avec ça. Puis le 2, les gars, ils l'avaient fait au WEG aussi, puis ça a été... ça leur a pris quasiment toute la fucking fin de semaine. Fait que c'est ça. Pour ceux qui savent pas partout ce que c'est un genre de dungeon crawler top-down avec des énigmes, là, puis tout ça. Là. À la Zelda 1-ish, ouais, ouais. Là, tu sais, avec un sprite un peu plus gros. Donc, encore une fois, tantôt, quand je nommais des jeux NES pour remplir un panier, ça, on n'en a plus en stock, mais c'en est un, tu sais. Star Tropic... ça mérite d'être dans une collection honnête. Emmanuel Mailloux, outre les jeux vidéo, vous collectionnez autre chose? Une autre question qu'on a eue quand même régulièrement, ça. Pendant très longtemps, j'ai collectionné les verres à shooter, moi. Partout où j'allais dans les villes, en voyage, je me ramenais un verre. Tu volais ça, mon hostie? Non, je les achetais, là. Ouais. Mais mes parents, le monde de ma famille m'a ramené tout aussi. Là, puis là, tu fais des shooters tout le temps. Ouais, non, j'ai deux boîtes pleines de verres. Je sais plus quoi faire avec ça. Et puis, place, mais ça, il y en a ben trop, là. Fait que j'ai arrêté de collectionner ça. Ah. Là, je collectionne les tasses à café. T'avais jamais dit ça? Ah, les tasses à café. Ouais. Ben, les verres, là, les tasses, les choses à boire. Moi, vraiment, les tasses de café, là. J'en ai de Disney, j'en ai de genre de Vegas. Partout ce que je vois, je me ramène une tasse, là. Okay. J'en ai une du temps de la renommée du hockey, là aussi. Ouais. J'avoue, ça c'est plaisant. Mais moi, on a parlé avant, tu sais, les cartes de hockey, les teams, quand j'étais plus jeune, mettons, mais là, présentement, ouais, c'est peut-être ce qui reste. Là. Ben, moi, je collectionne rien d'autre. Ben, puis, tu sais, collection, je cherche pas les tasses. Hein, j'en ramène parce qu'ils sont belles. Ouais, non, ben, j'aime aussi avoir. Puis, je bois dedans. Là, ouais, temps, c'est ça. Je m'en sers quotidiennement. Là. Mais les verres, j'aime les verres. J'en ai un peu trop. Si j'avais plus de place, j'en aurais plus. Ouais. Tu sais, fait que les verres de bière, mais les verres de gaming, les verres de lutte promotionnels. Les verres de Coke Diet promotionnel d'Astérix là, qu'il y avait eu, les verres de passe à gaz, tu sais, j'ai encore ma tasse de Batman des années 90 là, transparente qui venait au SO là, que t'avais, genre, oui. Encore ça, ce genre d'affaires là, j'aime beaucoup ça quand même. J'aime ça le matin, moi je me lève puis genre dépendamment de mon mood, je me choisis une tasse pour mon café de oui. Quand on reçoit du monde à la maison, j'exige toujours que mes amis choisissent un verre festif pour boire leur bière. C'est hot. Fait que là, ils s'en prennent un, là, Centipede, l'Ultimate Warrior, Falbala, tu sais, on a tout ce qu'il faut, là. Ouais, dans le chat, SSS Frank qui dit qu'il a fait Star Tropic 1 sur sa Switch, il savait pas pantoute c'était quoi, puis ça l'a surpris à quel point il a eu du plaisir. Bon voilà. Michael, il a fait le 2 au WEG puis avec Fred et Joe, puis il a bien aimé faire ça. Donc, puis un bison qui sort. Les verres Flintstone des joueurs fessés dans les 90. Il dit beaucoup de mots. Ouais, ouais. Hein, il dit qu'il y a eu un verre Flintstone des joyeux festins des années 90. Ah, beaucoup d'habitude, il fait juste. On dirait que je replace throw pas the horns, vrai, là, comme ça. Il cherche les tasses écossaises du Noon. Donc, Levas est un homme sophistiqué. Voilà, il cherche des tasses écossaises du Noon des années 70. Ça, c'est. On n'est pas dans cette ligue-là. Non, non, non, on est des pauvres, nous. Alors, on continue en question avec Laurent. Si vous devriez faire une collaboration. J'ai de la misère à lire. C'est de ma faute. Je suis fatigué. Si vous devriez faire une collaboration d'un épisode spécial avec un autre podcast québécois, lequel on choisirait et pourquoi ça serait sexe oral? Ça, c'est c'est les deux filles qui ont su un pédo, ça, l'autre fois, ça. Oui, c'est exact. Autres, ça, ouais. Fait, ben, ça roule, c'est là, depuis un bout. Puis l'autre, là, c'est ça. C'est... Ouais, c'est ça. Collabo d'un podcast québécois. Moi, j'aime beaucoup le podcast, puis j'en ai déjà parlé, qui s'appelle... Mais ça, c'est le Snake! Ah, ben oui. Ben non. Mais non, mais pour vrai, je veux dire. Ben, je serais gêné, là. Chris de... Rince-crème, si on veut faire un vrai... Porte le chandail de Drum and Seb en ce moment. Ah, c'est ça? Je ne savais pas, savais pas ce que c'était. C'est Drum and Seb. Drum and Seb! C'est-tu que c'est hot? Il y avait chez Noël, j'ai dit, OK, ben bravo. Genre, ça, c'est un excellent cadeau, là. Le What Up Podcast avec Jerry Allen, ça? Ouais, mais tu sais, il est bien correct, Jerry, mais c'est pas... Sinon... J'aurais rien à jaser avec lui. Présentement, meilleur gars avec Thomas Levac et Pio Forget. Meilleur gars? Ouais, c'est n'importe quoi, genre ça fitterait avec nous autres, là. OK. Ah ben ça serait très drôle, en effet. Et puis, oui, les Denis Drolet, très certainement. Parce qu'eux autres, ils sont très marqués dans leur humour par... Le gaming, beaucoup, là. Oui, ils sont... Ah, il y aurait... Ben, il y a Sébastien... Sébastien, c'est un gros collectionneur, puis c'est un joueur. Ouais. Il parle... Hey, des fois, t'écoutes-tu encore les podcasts de Rex? Non. Il fait ses semaines, des fois, il se met, genre... Il drop, genre, des infos sur une manette super précise. T'es comme, tabarnak, c'est genre... Super niche, personne ne comprend ça à part moi, là. C'est ça. Podcast Bonjour tout le monde avec François Legault. Ben oui, ça. Il va avoir du temps en plus. Moi, je l'écoute. Oui, il va avoir du temps. Il va peut-être le reprendre. Moi, je l'écoutais à ce podcast-là. Tu sais, j'étais intéressé. Puis ça, il y a juste 3 épisodes. Mais. Si on tombe très sérieux, on pourrait avec Judith Fazer, là. C'est quoi, c'est ça, là? Ah, l'entrepreneur. Non, la fille, là, qui fait des. Je mélange deux trucs, je pense. Ah. Mais sinon, t'allais voir à quoi, tu sais? Pour l'entrepreneuriat, j'ai oublié le titre. Startup Podcast, les deux filles, je trouve qu'ils font de bonnes jobs, tu sais. Mais en même temps, on parlerait de quoi? On parlerait de podcast, tu sais. J'ai pas tant envie de parler de podcast sur un podcast, tu sais. Je m'en fous. Plus à Star, là. Fait que c'est ça. Mais non, mais Mathias, c'est le Snake, ça serait vraiment le fun. J'adore. Mathias, c'est le Snake, les Denis. Ouais. C'est ça. Marc-André Nadeau, pensez-vous qu'une finale John Cena versus Jake Arismo aurait été possible? Si vous croyez au multiverse, c'est pas très genre far-fetch que j'aurais pu faire ça. J'ai des amis qui se sont rendus, là. Ah ouais, c'est fait ça. Que, là. Genre, Kevin a battu John Cena à son premier match. Sami Zayn était dans les derniers combattants avec Cena. Fait que ça aurait pu. Ça aurait pu, man. T'es à un degré et puis... Aussi, il aurait fallu que tu abandonnes ta vie et que tu traînes constamment. Oui, ben que je fasse beaucoup de stéroïdes aussi très jeune. C'est ça. Que ça, là. Fait que c'est... Tu serais sûrement mort déjà aujourd'hui. Probablement. T'as bien fait. Fuck John Cena. Ben, j'ai bien fait. J'aurais peut-être apprécié être déjà mort, je sais pas. Ben, c'est vrai. Ta vie aurait été très complète, chose. Très rapide. 2026, joke de suicide, on continue. On continue ça en force, direct tout de suite. Carl Deschain, bonjour à vous. Je cherche quelques cartouches de Jaguar, Atari Jaguar. Oh. Je me demandais si vous en recevez régulièrement, entre guillemets. J'essaie de me trouver un Doom, mais à part eBay, pas grand-chose. J'aimerais beaucoup plus acheter chez RetroMTL pour la qualité garantie de votre entreprise. Merci et bon et bonne fin de show. C'est très gentil. On y en rentre jamais, là, du Jaguar. Là, t'sais, comme une fois par année, même pas. Présentement, on a un Cybermorph loose et puis un Alien versus Predator complet en boîte. Puis on les... ben, Cybermorph, c'est comme le Mario Dokkan de la Jaguar. Ça venait avec. Fait que, tu sais, il en chie. Puis, c'est pas intéressant. Mais l'autre, je pense que c'est un bon jeu, là, quand même. Mais Doom, on n'a pas ça. Fut une époque, man, où est-ce que je collectionnais le Jaguar en boîte, puis je visais le full set, tu sais, j'étais motivé. Puis, finalement, j'ai abandonné, puis j'ai vendu cela. On a User Invisible qui se shake les côtés. Wow, c'est son nom, ça, c'est intéressant. Je trouve ça drôle. Eh bien, bonjour, User Invisible. Il faut vraiment que j'amène le chat au prochain épisode, je vais corriger ça. Là. C'est langoureux, ce petit emoji-là qui flappe. Alors, merci de vouloir nous encourager, mais attends pas après nous, pour le Jaguar. Donc voilà, John, the best. Question pour GF. Qui gagne le Rumble masculin et féminin et tu penses quoi des events de lutte en Arabie? On remercie Alain Melançon qui vient de subscribe. What's up? Sami Zayn va gagner probablement. Ouais. Probablement, il va se rendre, il va probablement même gagner à WrestleMania la ceinture de champion du monde. Là. Je pense. Là. Ok. C'est quand ça? C'est dans deux semaines le Rumble. Ok. Puis après ça, ça va être WrestleMania en avril, je pense. Là. Pour les femmes, je sais pas. J'ai même pas. Liv Morgan, je sais pas. J'ai pas de favori pour les femmes en ce moment. Là. Ok. Puis qu'est-ce que je pense d'Arabie Saoudite? C'est tout le temps un peu délicat. Là. Tout ce qui est les droits de la femme là-bas, puis tout ça. Là, ah, c'est par rapport à ça. Je pense que oui. Y a-tu comme un enjeu? Genre, ben, aller pas en Arabie, battre non, les mais femmes. Non, mais genre, les femmes, là, quand ils vont lutter, ils sont habillés en full suit. Là, ils peuvent pas être genre avec leur vrai gear. Ben, voyons. Ouais, c'est cave pour ça. Là, fait. Sérieux. Puis, tu sais, ils vont là parce qu'ils font le gros cash à WWE, ben, parce que tout l'argent est là. Fait. Ben oui. Ah ouais, puis, mais ils se rabaissent à. C'est ça, fait. C'est pour à ça que je suis un peu. Comme, le show, si je m'en fous un peu parce que, genre, je suis pas tant dans cette politique-là, mais je suis pas le droit des femmes, fait. C'est touché pour vrai, là. Ah ouais, hein, ça, c'est. Waouh, je savais. Est-ce que je compte. Quand on dit que l'argent peut tout acheter, ouais, c'est, ça, hein, c'est vraiment ça, j'suis pareil. Je suis ni pour ni contre, mais je suis plus contre que pour, mais ça me dérange pas. Tu sais, aussi, là, c'est un peu difficile, là. Ah ouais. J'ai pas pris le temps de me faire une pensée là-dessus. C'est un sujet complexe, là. Ben, écoute, moi, je trouve ça inacceptable. Ben, moi aussi. Pour vrai, là, que les femmes ajustent leur saut, tu sais, pour. Mais là, ça fait que, genre, ils vont diffuser ça live là-bas, fait que ça va être, genre, à 8h le matin ici. Je pense que ça va jouer le Rumble. Ah ouais. Ah ouais. Faut que je check ça, là, comme du monde, là. Oh. En fait, je pourrais pas l'écouter sur Netflix avec des amis. Ah, ben, à moins que t'aies des amis qui viennent bruncher, là. Ben ouais, ben c'est ça. La fuck that, là. Faudrait t'sais. Voir, à moins que tu l'écoutes pas, puis tu l'écoutes le soir. Je pourrais l'écouter. Ben, il va être après sur Netflix. Ouais, là, ouais, ouais, comme le reste, là. OK. À suivre. Mm-hmm. Marc-André Nadeau. Sais-tu moi? J'ai l'impression que les cassettes dans les boîtes de la honte que Giz reçoivent ne sont pas nettoyées. Est-ce que c'est acceptable? J'écoute pas ces épisodes-là. Ah, mais non, j'ai pas vu. Je suis désolé. Mais non, c'est inacceptable. Ça prend un minimum de nettoyage. Faut que je t'amène mon Kikol Québécois en boîte. Il y a des petits collants dessus. C'est vrai, il va falloir mettre ça propre. Mais en même temps, sans avoir écouté les épisodes, c'est des boîtes de la honte. Donc, je comprends que ce qui est crissé là-dedans, le monde ne frotte pas tant. Là, fait que... Le segment le dit là, dans le titre. Là. Mais tu sais, ces boîtes-là, là, ici, chez RetroMTL, à un moment donné, le monde nous demandait ça. Hey, faites-nous des boîtes là, avec random dedans, les affaires, ou des boîtes de la honte, tu sais. Mais j'aimais pas être perçu comme une compagnie qui vend des affaires honteuses, ouais, tu sais, puis de la crap dans une boîte. Puis après ça, ben qu'est-ce qui se passe? Des YouTubers déballent ça, juste ils rient de toi. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, comme, je trouve qu'il y a aucun gain. Non, t'as aucun gain pour ça, là. Quelle est la valeur de passer ta crap pour faire une coupe de pièces, puis après ça, te faire rire de toi en ligne par des YouTubers, puis faire des trucs. Le gain, il est pour les YouTubers qui se foutent de ta gueule après, là. Mais genre, non, mais en tant que compagnie, c'est ça, c'est pour que toi, t'as rien de bon là-dedans. Tu sais, Chris, on n'a pas besoin de faire ces petits argent-là. puis faire rire de nous autres. C'est ça, moi, c'est un non-sens, tu sais. Jamais qu'on ferait ça. Se rabaisser pour faire 2-3 piastres. Exactement. Et encore. Très mauvaise pratique. Parlant de mauvaise pratique, il reste 3 questions, mais je veux juste reparler de ça très vite fait. Il est quelle heure, là? On avait 9h50, c'est correct. OK. Ouais, c'est vrai, la barre a changé en bas. Là. Exact. Fait que... Faut que ça. J'ai fait une joke avec... Il y a des nouveaux Joy-Con qui sortent. Nintendo a annoncé des nouveaux Joy-Con qui vont sortir en même temps que Mario Tennis. C'est pas des Joy-Con Mario Tennis, c'est juste que c'est un nouveau produit qui sort en même temps. Et puis, ça donne qu'ils sont mauves et turquoise. Fait que là, aux couleurs de Retro MTL. Fait que là, j'ai fait une image, j'ai pris les Joy-Con, je les ai mis sur un fond du magasin ici, j'ai mis nos mascottes. Puis là, j'ai élaboré un texte là, super chaleureux pour dire que Nintendo veut encourager local, tu sais, puis on a un partenariat, puis merci d'encourager la communauté, puis au Québec, puis le rayonnement au Canada. Tu sais, j'ai mis là, 4 couches de Nutella là-dessus. Puis là, c'était pour faire une joke, tu sais. Mais c'était trop bien fait. C'est ça. Non, mais c'est ça qui s'est passé. Parce que là, il y a des gens qui ont été blessés, j'ai l'impression, de constater. Non, mais. Mais non, mais j'ai eu l'impression existe quand même, d'avoir été berné un peu par ça, tu sais. Parce que pour moi, puis pour nous, quand on a fait ça, je me disais, ça se peut pas, tu sais, qu'une shop d'Hochelaga appelle Nintendo Japan, leur dise, on devrait faire ça. Et après ça, eux autres, ils partent les usines en Chine, ils font un modèle pour nous distribuer ici. Ben oui, ça n'a pas de sens. C'est impossible qu'on ait ce reach-là. Mais après ça, bon, on repense à ça, on discute avec du monde, tu sais, puis du monde dit, nous, on n'a aucune idée de genre, c'est quoi vos partenariats. Parce que moi, je pense, la façon que le monde m'en parle, qu'on achète le monde pense qu'on achète à Nintendo. Ben, nous autres, on n'achète à rien à Nintendo. Personne ne sait ça. On parle jamais à Nintendo. Là. Personne ne sait que c'est des fournisseurs, que des entremetteurs entre les deux. C'est de la business interne. C'est des wholesalers. Il y a des wholesalers qui commandent. Tu baignes tellement là-dedans tout le temps que tu as peut-être oublié des fois que c'est ça. Ou que les gens ne connaissent pas les tenants et aboutissants de tout ça. Là. Ben, exact. Puis aussi, tu sais, mettons, on pense à l'arcade. On a eu un tournoi de Smash, pas un tournoi, mais Smash a été présenté à l'arcade. C'est la première fois en Amérique du Nord, c'était Nintendo. Puis c'était Nintendo pour vrai. Fait que peut-être qu'il y a du monde qui se souvienne un peu de ça aussi. Fait que bref, on a. Mais c'est ça, tu sais. On n'a pas accès à Nintendo là, pour genre. Mais ça existe, Nintendo Canada. Oui. Ça existe. Oui. 100%. Puis on a fait avec eux, puis arrêter au nouveau beaucoup. On a été on a c'est ça, tu sais. Ben, par l'entremettrice par une personne intermédiaire. Oh oui, ben de Nintendo Canada. Qui faisait des mandats pour Nintendo Canada. Ils ont des branches locales un peu plus. Là, ben, ils ont du monde pour leurs événements puis tout ça. Fait que, oui, pis, c'est pas Nintendo Japan qui va organiser genre le lancement de telle affaire à Montréal. Genre, non, c'est ça. C'est ça, mais la fabrication d'un accessoire précis, tu sais, par Nintendo, là, c'est comme Chris, on a... Oui, tu sais, on n'a pas ce pouvoir-là. Mais en même temps, bon, le monde ne peut pas tout savoir. Puis aussi, quand Retro MTL annonce des choses, ben, puis c'est moi qui s'occupe de tout ça, c'est beaucoup dans la « on est fiers de ça », tu sais, puis c'est toujours en grande pompe, tu sais. Fait que là, j'ai gardé le même ton, puis j'ai mis aucun indice que tout ça pouvait être faux. Fait que là, c'est ça. Il y a bien du monde qui sont comme « ah, bon, gag », tu sais. Puis il y a bien du monde qui sont pas au... qui savent pas qu'il y avait un nouvel accessoire qui allait sortir anyway. Fait que là, qu'ils ont vu ça, tu sais, puis là, ils sont allés sur Nintendo. Chris, c'est vrai, mais c'est pas écrit Retro NTL nulle part, mais tu sais. Fait que bref, on a floué du monde. Fait que là, je suis content. Ce post-là a reach, mon gars, là. Pas sur Instagram. Même moi, tu m'as eu le pape. C'est ça. Parce que puis j'avais juste lu en diagonale, puis j'ai fait ah, wow. Mais on a eu plein de monde intelligent, là. Mais je m'en allais te dire, en plus, autrefois, bravo d'avoir gardé de l'anonymat. Tu n'as jamais leaké, tu l'as pas mis dans le document, on va en parler. Mais notre là, employé ici nous a dit wow, vous nous l'aviez pas dit. C'est ça, c'est incroyable. Puis, voyons, c'est pas vrai. Mais là. Tu réfléchis pas plus que toi. Puis, elle travaille ici, tu sais, comme. C'est ça. Fait que, mais on a trompé les plus proches de nous, là, tu sais. Ouais, fait que c'est ça. Donc, il y a du monde qui. Bon, finger cut. Tout le monde s'est pogné. Bon, finger cut s'est fait pogner aussi. Fait que c'est ça. Donc, bref, là, je me sens un peu mal parce que là, il y a du monde que j'ai mis du monde en crise. Ben, fait que là, est-ce que ça nuit. Non, mais, tu sais. Soit fâché, eux, ça me dérange pas. Je suis désolé de le dire. Mais. Au final, moi, c'est qu'est-ce que ça a comme effet, cette publication-là. Est-ce que ça va avoir un effet négatif au final? Je pense pas. Que là, on a floué les gens. Puis là, les gens vont moins croire à ce qu'on dit. Parce qu'en plus, le produit existe. Les Joy-Con existent. Pas comme si tu avais inventé des faux Joy-Con qui n'existent pas. Là. T'as juste compris que ah ben c'est donc bien drôle, c'est nos couleurs. Ben c'est pour nous, mais c'est mais c'est une vraie annonce legit que j'ai faite, tu sais, en grande pompe. Je comprends là, mais de comme le prochain projet que je vais annoncer, tu sais. Et le monde, ils vont-tu être là? C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Fait que, bref, en tout cas, c'est ça. C'est comme, c'est un essai que je voulais faire en beurrant ben du Nutella là-dessus. Puis ça a marché à côté. T'as vu où est-ce que ça peut accrocher là aussi? Mais c'est ça. Fait que là, je me dis, prochaine fois, je vais essayer de mettre un petit indice discret. Peut-être un hashtag, genre, ah, si c'était vrai, hashtag imagine. Un petit collant. Parce que je veux pas, tu sais, moi, dire la joke collection dans le texte. Imagine de Retro. Hey. Fait que ben, je voulais faire une parenthèse là-dessus. Ouais, c'est très drôle ça. Jim Gendron, avez-vous des idoles? Et si oui, lesquelles? What the hell? Moi, je dois dire Louis Morissette est. Idole, c'est un grand mot. Ben, c'est comme idolâtrer quelqu'un. L'admiration pour quelqu'un ou de idolâtrer, j'idolâtre pas personne, je pense. Là. Non, c'est ça. Mais j'ai beaucoup de. Je me rends compte que j'ai beaucoup de respect pour tout ce que Louis Morissette a fait et accompli. Puis il part pas non plus du gutter, là. Il est pas né dans marde, là. On s'entend. Il y avait une famille de businessmen. Puis, tu sais, lui, comme la compagnie de son père, me semble déjà publique, là. Tu sais, quand lui était un ado, il baignait dans l'argent puis l'entrepreneuriat, si je peux dire. T'sais. Mais il a travaillé fort. Ce gars-là, il a tout fait, tu sais, comme il est allé random. Il comprenait pas l'anglais. Il disait, moi, il faut que j'apprenne l'anglais. Je vais aller à McGill, à l'université McGill, tu sais, comme en finance. Un travailleur. Dude, il connaît pas l'anglais, tu sais. Il débarque là comme un épais, tu sais, comme il part. Il a passé, là, il fait tout ça. Il a la business. Ah, fuck that, je m'en vais humoriste. Puis il réussit dans tout, puis il a des bonnes idées, puis il sait s'entourer. Il est en affaires comme un peu de la même façon que je suis en affaires aussi, je pense. Je ne suis pas aussi brillant que lui, mais tu sais, j'ai écouté des podcasts où est-ce qu'il se livre. Ouais, moi aussi un peu. Là. Alors, fait que voilà, c'est une personne que j'admire beaucoup pour ça. Alors, Steph Talbot qui dit je pense qu'il faut prendre ça au deuxième degré. Je me suis pas senti floué du tout. J'ai trouvé ça vraiment cool comme blague. Ben là, c'est ça, là. Parce que je trouve que les gens qui se fâchent d'avoir mordu l'hameçon et d'avoir avalé tout ça, tu sais, il me semble, moi-même, je me serais. Je suis comme, ah ouais, incroyable. Puis après, tu te rends compte, tu sais, j'aurais pas été fâché. Ah, c'est que Dominique, t'es bien cave. C'est que je suis cave. Non, je suis comme, ah ben, Chris. Bon gag, tu sais. Puis ça serait arrêté là, puis j'aurais continué ma vie. Alors. Ouais. De la misère avec le monde, genre, qui. Je comprends pas. Je comprends pas cette réaction ultime. Moi, tu pourrais arrêter. J'ai de la misère avec le monde. Genre, ça s'arrête là. Ah. Bon, hey, on a trois questions. Et puis, on peut finir ça. Rémi Chabot qui en pose des courtes, mais qui nous envoie deep. Ouais. Quels sont vos meilleurs films basés sur des jeux vidéo? Ouais. Ah, encore cette question? Ou c'est de l'inverse? Quels sont les jeux vidéo basés sur des. Films basés sur un jeu vidéo. Il y en a pas beaucoup, là, de ça. Genre, le Mario, là. Mario, c'était bon. Mario, mais le vieux Mario avec. Ouais, mais. Mais le nouveau Mario, moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai pas vu celui-là encore. Je l'écoute avec mon gars, d'ailleurs, là. Le meilleur film 2025. Ça suffit, les questions de top, là. Ouais, non. Mais. Si. Il y a eu Uncharted. Ah, non, ouais. Je l'ai pas vu. J'ai jamais écouté Final Fantasy. J'ai jamais écouté Resident Evil. J'ai jamais écouté. Puis Dieu merci que j'ai pas écouté ces affaires-là. Bon, on n'est pas cinéphile de films de jeux. J'ai pas d'idée. C'est des séries plus. Fallout. Ah, Mortal Kombat. Ah, le premier Mortal Kombat. J'avais beaucoup aimé c'est rigolo. Mais même moi, à l'époque, j'avais trouvé ça cheesy. Ah, c'est cheesy, mais j'avais capoté par la cause de la musique. Là. Mais tu sais, mettons la série Castlevania. Ouais, ben, c'est pas un film, c'est un animé. C'est excellent. Fallout, c'est excellent. J'ai pas écouté. C'est des séries. Ouais. The Last of Us. Série excellente. Ouais, c'est rien de fait que c'est peut-être plus des séries que des films, en fait. Là. Fait que, bref, c'est ça. Mais les films, pour vrai. Il n'y en a pas eu de temps. Là. Double Dragon. Il y a eu un film Double Dragon. Ouais. C'est cheesy à mort, mais je sais pas pourquoi. J'aimais ça l'écouter. Fait que ça, j'ai écouté une couple de fois. JC Goyette. Bonsoir, messieurs. Quelles sont vos résolutions gaming pour 2026? Par exemple, y a-t-il un jeu en particulier que vous voudriez enfin compléter ou acheter le jeu manquant de votre collection, peu importe le prix? En vous souhaitant une bonne année, continuez votre bon travail. Non, moi, c'est des belles questions. C'est des belles questions, de la belle rédaction, de la belle politesse. Merci beaucoup. Je veux tout ce qu'il me faut, racheter des cartouches de N64 et d'Atari, là, mais il n'y a rien de précis. Ma résolution, c'est vraiment de jouer plus, mais de faire un fichier Excel avec mes jeux à jouer, là, ouais. Pour avoir une trace, puis suivre un plan, là. Fait que c'est là que je m'en vais. Faut que je retrouve Duke Nukem sur les cartes. Ben, c'est trouvable, c'est trouvable. Ouais. Moi, comme j'ai dit tantôt, peut-être j'aimerais me remettre un peu plus au Super NES, un peu plus. C'est juste que les jeux sont plus longs. Puis, souvent, il n'y a pas de password. Fait que là, il faut que je laisse ça sur pause. Puis ça, j'aime moins ça. Puis dans l'analogue, je trouve ça... Tu peux pas mettre sur sleep. Tu peux pas, encore une fois, il faut juste que tu laisses la console runner tout le temps. J'aime moins ça. Mais sinon, point de vue collection... J'ai jamais d'objectif. Je regarde qu'est-ce qui passe, puis qu'est-ce que je peux faire comme amélioration. T'sais, j'aimerais bien ça avoir complété mon Shantae au Game Boy. Ouais. Des affaires la même, mais qui sait. Jetsons au Game Boy, complet, ce genre d'affaires-là. Mais je cours pas après. Je suis serré dans le budget. Fait que voilà. Dernière question, simple. Jonathan Ayotte, Forsberg ou Lindros? Forsberg. Ah ouais, hein? Ouais. Lindros a été échangé pour beaucoup de choses, là. Mais... Ouais. Non, mais mettons, tu prends talent pour talent. Ça dépend un peu de l'équipe que tu as besoin. Mais Forsberg a une meilleure carrière que Lindros, là. Oui, Lindros, il y a eu des commotions à côté. Ça a mis fin à sa carrière, dire, mais là. C'était quand même quelqu'un. C'était tout un joueur, oui. Mais je pense que je serais plus Forsberg aussi, ouais. Moi aussi, quand même. Là. Un joueur très complet. Steph Talbot qui dit que le pire, selon lui, c'est Double Dragon. Non, c'est dégueulassement cheesy, Double Dragon, mais cheesy funny quand même. Ouais. Mais il faut dire que je n'ai pas réécouté ça depuis 1997. Là. Fait que sûrement que ça sera abominablement inécoutable aujourd'hui. Là. Oh, on t'ouvrirait quand même du plaisir à écouter ça. Ah, c'est ça. Ben batté. Ouais! Fait que voilà. On s'en va en conclusion. Attends un peu. Sont abaissés un petit peu, bon. Des petits tweakings de nouvelles machines de début d'année. Ah, oh, si je me rappelle plus mon flow, là. Mais ouais, c'est ça. Faut que j'arrange des petits affaires, mais ça somme toute bien été. Oui, en effet. Alors. Le CPU est à 5%. Moi, je suis content. Ça va très bien. Cette année, comme résolution, par contre, outre question, le décor, j'aimerais bien m'y mettre. On s'en vient aller sur quelque chose, je pense. Là, on a un début d'idée. Là. C'est ça. Faut juste prendre le temps de prendre des mesures puis de vérifier le budget aussi, parce que ça va super vite. Puis je veux pas qu'on flambe tout l'argent qui reste dans du décor. Là. Surtout qu'il y a une partie qui va être genre pas visible à l'écran. Là, c'est une belle tablette. Là, puis même moi, j'ai des idées pour ça. Mais tu sais, on peut peindre des affaires que jamais personne va voir. Ben, qu'on montre le show. Le local va être plus le fun aussi à être dedans. Là, c'est... Non, on peut très bien peindre. Là, Puis moi, ces stars-là, j'aimerais ça mettre un mur de rideau pour cacher tout ça. Là, ouais, effectivement. Gros rideau noir. Là. Exact. Avec le mur noir aussi, tu sais, pour cacher tout ça. Bref, c'est pas les idées qui manquent. Non, on a déjà commencé, on a fait un petit ménage, on a ramené l'ordi. Oui. Je me suis pété à la tête, ça a TV tellement fort, j'ai une bosse pendant une semaine. Ouais. C'est ça. Le bout de bref de SSS Frank aujourd'hui, c'est quand il était émerveillé par la somptueuse manette d'analogue 3D. Je suis content que SSS Frank continue avec son bout de préféré. Steph, là, il doit se sentir mal. Il a comme pas le choix d'écouter toutes les choses jusqu'à la fin, sinon il va perdre son lore. Steph Talbot qui dit résolution 2026 pour lui, écouter tous les shows de Papa Cassette en live. Wow, mon Dieu, tout un honneur. Mais ça entoure pas mal là, si jamais il y a autre chose. Mais très apprécié, merci beaucoup. Mais tu sais, en même temps aussi, comme ça arrive, des fois on devra déplacer des shows à cause de des événements. Bon, on est un petit peu occupé tout le temps. Là, c'est ça. Puis là, moi je vais tomber. Ma blonde devra aller en Beauce dans sa famille pour des choses familiales sur une longue période. Fait que là, je vais vraiment tomber monoparental, comme tout seul avec les enfants pour tout faire, les tâches, les repas. Ça tient occupé, là. Aller à l'impro, aller au game de hockey et puis toutes les autres 1000 choses qu'il y a à faire. Fait que là, j'ai comme l'impression que ma vie va être weird un peu. Fait qu'il va falloir que je prenne du temps pour planifier les repas puis Tout ce qu'on fait à deux, je devrais le faire seul. Puis il y en a, checker le pluriportail, les notifications, les déplacements de pratique d'impro. Je suis au courant. Ah, c'est ça, ça finit plus. Il y a beaucoup de choses quand t'es tout seul, Fait que ça se pourrait là, que dû à ça, je game moins, mais c'est correct aussi. Là. Fait que je ferai des petits jeux, je fais de l'Atari. On va continuer. Là. Moi, je vais faire ça aussi. Puis moi, il faut que je me cave un peu de mon père là, qui s'est cassé la jambe cette semaine, à la glace. Là. Fait que c'est... exact. Puis, et la charge mentale. Dom et la charge mentale. Jeff et la charge mentale. Et Dom et Jeff sont occupés, ils font plein de projets. Exact. Fait qu'on va faire notre pizza pochette, ça va vite. Ouais, en effet. Pizza pochette déjeuner, pizza pochette. Ah, les repas de saucisses, là. Saucisse riz, saucisse couscous, là. Je vais ramener le couscous, des affaires qu'on mange plus. Je vais reforcer des affaires. Cardener, chapeau de ballonné. Les grands classiques. Ah, je pense que je vais acheter du ballonné pour vrai, puis je vais le faire. Si les gars vont capoter. Yes. Fait que, donc, bref, tout ça pour. On va faire notre possible. On veut faire du d'accord un peu. Puis sinon, on continue, là, comme comme d'hab. Comme d'hab, voilà. Merci à tous les gens qui nous donnent des bidous. Les Patreons pour. Qui ont permis d'améliorer l'infrastructure, cette belle caméra-là, cet ordi-là. Tout ça est merveilleux. C'est merveilleux. Chaque dollar est apprécié. Et puis. Et réinvesti. Et réinvesti, en effet. Alors, suivez, allez sur YouTube, regardez tout ce qu'on a fait, et puis on va avoir un invité aussi, okay. C'est vrai. Ben, oui. On va pas le dire, mais tu sais qui? Ouais, il me semble que oui. Ouais, bon. Fait que ça va venir bientôt aussi, en fait. Faudra planifier ça. Ouais. Alors, ça va être le fun. Je pense que les gens vont être contents. Steph Talbot te demande si c'est mieux de t'abonner sur Patreon ou sur Twitch. Ben, sur Patreon, parce que ça fait comme de la vraie argent. On va peut-être poster le show sur Patreon d'ailleurs quand on le sort. Olivier Capoil a deviné qu'on allait recevoir Olivier Primo. Exactement, Olivier Primo. Il vient nous parler de son live, de sa course à la chefferie de la CAQ. Non. Eh boy. Et voilà, on parlera de politique plus tard. Ouais. Allez, on va aller se coucher parce que je suis fatigué en hostie. Et alors, voilà. Merci tout le monde, suivez tout ça. Crotte clope, bonne soirée. Comme Bison qui parle à soir. Allez, merci tout le monde, très apprécié. À très bientôt. Ciao.